Hey, bonjour tout le monde, hey, on s'en est rendu au cinquième épisode de Geekorama. Oui, ici Dominique Jean et Monsieur Daniel Vaillancourt. Hello! bienvenue! Bienvenue à Geekorama, salut mon homme. Ça va? Ça fait très longtemps, oui, ça va très bien. Très content, très excité de commencer ce podcast après une absence de deux mois. Ouais, deux mois. Oui, ça fait longtemps. Hein? Ça fait longtemps. On a fait le dernier podcast, si vous écoutez celui-là, le dernier a été publié le 6 janvier. Et on a été un peu, bon, c'est sûr que pour plusieurs raisons, entre autres, podcast de Fun Jouer Jeu, mon podcast régulier a commencé. Et l'école, évidemment, on se cache pas que l'université... Ça en demande, fait que non, mais à part de ça, écoutez, il n'y a aucune raison pourquoi qu'aujourd'hui, on vous donnera pas tout qu'un show. Ah oui, on vous revient en force. Mais maison. Puis dis-nous donc pourquoi. Ben, parce qu'aujourd'hui, on fait un show sur le jeu épique de Chrono Trigger. Oui, un spécial de Chrono Trigger. En fait, ça va être... On sait pas combien de temps que ça va durer, mais c'est un show qui va être carrément dédié au jeu. On va vous parler beaucoup de nos souvenirs, des moments forts. Et on a fait une rémunération de toutes les meilleures chansons du jeu. Et on a 7 blocs aujourd'hui. On a 7 au blocs. Au lieu de 4. Fait que ça vous donne une idée. C'est pour ça. C'est vraiment ça va être vraiment notre plus long, notre plus ambitieux. On a passé beaucoup de temps là-dessus. On a travaillé fort et on espère sincèrement que vous allez apprécier ce show-là. Parce que nous, du moins... On a un méchant fun noir à le faire. Oh oui. On a toujours du plaisir. C'est pour ça qu'on fait ça. Fait que, en gros, c'est ça. Ça va être sur Chrono Trigger. On peut peut-être... Moi, je dirais, avant de commencer les blocs, on va y aller avec les nouveautés, Dom. On a plusieurs choses de ben, nouveau. Ça fait un petit bout que c'est fait sur les internets, là, mais on va quand même le mentionner dans ouais, le show. C'est ça, exact. On a maintenant un Twitter. Oui, on a Twitter. On a un beau Twitter. Donc, @geek0rama sur Twitter. Vous pouvez nous ajouter. Et on a bien sûr le Gmail. Yes, le Gmail qui est geekorama 310, si je ne me trompe pas. 31-10. Ouais, 31-10. Ouais. Pourquoi 31-10? Parce que c'est la date de la première publication de notre podcast. Ah, on est du concept. Halloween. Ben oui, Halloween. Donc, cœur à c'est une date random. Fait que bref, c'est pour ça. Donc, je le répète, le Twitter, @geek0rama sur Twitter et sur le Gmail, geeko0rama 310 @gmail.com. Gênez-vous pas. Yes. D'ailleurs, on a eu plein de commentaires. Oui, écoute, je m'en allais vers ça. Écoutez, notre réception est vraiment... La réception du public est excellente. On le dira jamais assez. Écoute, je vais donner des noms vite. Si je vous nomme pas, c'est pas parce qu'on vous aime pas. Kevin Brasseur, entre autres, et Mathieu Lamar sont deux de nos fervents auditeurs. D'ailleurs, Kevin, je vais m'adresser à toi personnellement. Je tiens à te remercier, Kevin, m'a mis sur la trace de VG Empire, Video Game Empire, qui est un podcast anglophone sur la musique de jeux vidéo. J'adore ça. J'ai écouté plusieurs épisodes à la date. Je vous conseille d'aller les écouter sur iTunes, VG Empire, VGMpire, sur iTunes. C'est super bon. J'adore vraiment ce qu'ils font. C'est sûr, c'est très similaire un peu. Tu sais, eux autres, ils mettent des blocs un peu, mais eux autres, c'est en plus des jeux spécifiques, comme on fait finalement en ce moment même. Mais je te remercie Kevin qui nous a donné plein de suggestions, plein d'auditeurs nous ont donné aussi, des suggestions, des commentaires à lire, c'est tellement plaisant de lire ça là. C'est notre paye hein. Ouais, c'est ça. C'est exactement. Il y a juste ça qui fait en sorte que ce qui nous motive encore plus vu que ce projet là est bénévole. Donc merci. Merci à tous et continuez, n'arrêtez pas, c'est vraiment excellent. Tu sais, ça fait quand même deux mois qu'on n'a pas fait de show, mais on n'a pas chômé, je pense. Hein? Non, on n'a pas chômé. On n'a pas chômé, hein, parce que on a joué beaucoup, là aussi. On a gagné pas mal. Hein? Effectivement. Moi, c'est assez fou. Bon, si je rénumérais tous les jeux que je jouerais, on n'aurait pas fini. Mais toi, à quoi tu joues, c'est en 7, mon vieux? Ben là, je suis pas mal plus sur Steam. J'ai commencé, d'ailleurs, et je l'achève, Max Payne, le tout premier. Ouais, le tout premier Max Payne. On dit que c'est le fun. J'avais pas connu ça à l'époque, puis je comprends pourquoi ça a révolutionné le genre un peu dans ce temps-là. Ça fait longtemps, Max Payne, je sais pas quelle année exactement. Max Payne, je te dirais que ça a commencé, c'est dans les années 2000 que ça a commencé avec nos amis Remedy qui ont commencé cette licence-là. Okay. C'est sûr qu'on n'était pas habitué de voir ce genre de jeu-là troisième personne shooter avec du ralenti. C'est carrément eux autres qui ont introduit ce qu'on appelle le bullet time, donc le ralenti. Puis, non, c'est Max Payne, c'est ça, c'est excellent. Puis, encore un parallèle avec la musique, même la musique était cohérente. Ouais. Je me souviens d'ailleurs, je pense que c'est dans. Ben, toi, t'as pas fait le deuxième, right? D'accord. Le gars, en fait, qui a fait le jeu, je pense que c'est le directeur, et qui a d'ailleurs mis sa face dans le personnage de Max Payne, puis on lui demande de le faire souvent. Je me souviens plus, c'est un Finlandais, et lui, en fait, il est ami avec un groupe, le chanteur du groupe Poet of the Fall. Et Poet of the Fall ont fait plusieurs chansons pour lui, monsieur Sam Lake. Lake, qui a d'ailleurs fait Alan Wake. Et les chansons sont toujours super bonnes. Puis non, c'est vraiment un bon jeu. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Il a sorti ça sur la plateforme iOS, si je me trompe pas, mais je sais pas si ça vaut vraiment la peine. Peut-être pour l'iPad, mais pour le touch, ça m'étonnerait. OK. Pour ça, j'ai commencé à Virus Named Tom. Oui, tu m'en avais parlé. Qui est quand même pas si pire. Disons qu'au début, c'est le fun, c'est pas trop dur, mais c'est un jeu qui est relativement basé sur des puzzles. Là, t'sais, t'aimes les. Ouais, c'est ça. Là, ça commence à être plus corsé, puis des fois, ça me tente pas tout le temps de me casser la tête. tu peux skipper des levels, là, des tableaux, mais à un moment donné, là, t'en as plus, fait que toi, t'as comme pas le choix de les faire. Ouais, c'est ça. Sinon, j'ai fini Super Meat Boy. Ah oui! C'est quelque chose. T'as fait un post d'ailleurs sur le Facebook de Kurama. Ouais. Ça, c'en est un. J'ai eu beaucoup hésité à m'acheter la version PC. Est-ce que ça vaut la peine, version PC? Ouais. Parce que j'ai pas d'Xbox 360, donc ça se contrôle très bien avec le clavier. Okay. Les contrôles sont vraiment à taille. Puis hein, c'est un jeu qui. Si tu veux du challenge, là, tu vas en avoir. Ouais. Parce que juste faire le jeu. En tant que tel, la quête principale, on peut dire, sans faire toutes les choses sur le côté. c'est quand même déjà assez tough, là. OK. Mais ça se fait. Parce que, ouais, ça se fait, mais c'est. Écoute, je suis mort des centaines de fois. Peut-être 1000 au-dessus. En tout cas. Mais ce qui arrive, c'est que pour chaque tableau, parce que t'as là-dedans, t'as comme un chronomètre pour chaque niveau. Mais t'as pas de temps, tu peux prendre 2 heures faire le tableau. Mais plus tu le fais vite. Puis t'as un certain temps prédéterminé où t'as comme un A+ quand tu le finis. Ah, okay. Puis avec le A+, là, tu débloques la version Dark World du tableau qui est plus dur encore. Okay. Mais ça, faut que tu fasses ça pour chaque tableau, sauf peut-être les boss, à part le dernier. Okay. Mais il y a des tableaux qui sont déjà vraiment pas faisables normalement. Puis avec là, faut que tu le fasses vite en plus. Ah, puis il y a des affaires de fou, il y a des time warp, il y a tellement des affaires de débiles dans le jeu. Ah non, c'est vraiment quelque chose. D'ailleurs, c'est drôle, Joël m'en avait parlé beaucoup du temps qu'on commençait à se parler. Puis ça, j'avais vu un peu c'était quoi. C'est vraiment un bon jeu en plus. Moi, je trouve que le visuel est à couper le souffle. Puis la musique là-dedans est vraiment très bonne. Ah ouais, bonne aussi, moi, oui. T'as posté, d'ailleurs sur Facebook, t'avais posté la chanson du boss, je pense. Du premier boss. Ouais. Qui est vraiment écœurante. Mais justement, le podcast de VG Empire avait fait un spécial indie. Puis il en avait passé, je pense, 2-3. Entre autres, la chanson du menu. Quelques chansons du jeu. Bref, j'étais vraiment impressionné. Ouais, c'est que j'aime vraiment dans ce jeu-là, c'est quand tu meurs, t'en reviens tout de suite. T'sais, t'as pas un loading plate, là, tu meurs, c'est t'en reviens tout de suite au début, ça recommence. Ah, c'est ça. Ça, c'est le fun. Ben ouais, parce que t'as pas le temps de te tanner. Ah, c'est ça. Tu fais comme juste, bon, je suis mort, je vais revenir. Ouais, t'en reviens tout de suite. Puis ce qui est drôle, c'est que quand tu finis le tableau, tu vois un replay, mais mais là, ce qui est drôle, c'est que tu vois tous tes Meat Boy que, sont morts. Ouais, c'est ça. C'est très hot. Ouais, ça, c'est bien pensé. Non, vraiment un très bon plateformeur, puis ça procure un méchant bon challenge. Mais hein. Puis il est pas cher en plus sur Steam, je pense. Pas cher. Peut-être une dizaine de piastres. Moi, je pense que c'est 15. T'as la soundtrack qui vient avec, t'as des bundles qui vient avec la soundtrack. Puis dans les deals de Steam, il a droppé de prix, je pense, à pour moins 5$. Dans le temps des fêtes, c'est débile, ça n'a pas de sens. Ouais. Ah, ça vaut vraiment la peine. Bon, ensuite, on va y aller avec moi. T'avais-tu fini? Bon, oui, pas mal. Ouais. Donc voilà, moi j'ai en fait je suis dans plusieurs jeux dans le moment. Là je suis dans Devil May Cry, le nouveau, le tout dernier qui est sorti via toutes les consoles qu'on connaît. Je veux pas trop en parler parce que bon tu sais je vais en parler dans un autre de mes podcasts, mais bon, je peux quand même me le permettre. C'est un reboot d'une franchise et c'est tout qu'un jeu. Vraiment, j'ai été agréablement surpris. Devil May Cry, achetez ça, allez acheter ça, je trouve que ça vaut vraiment la peine. de jouer à ce jeu-là. C'est, la musique était cœurante, c'est fait par un groupe un peu plus industriel. Je pense que c'est comme Be Christ, une affaire comme ça. Si vous voulez avoir plus de détails, allez sur le site de Monsieur Net. Et mon collègue Bruno Georgian a fait une excellente critique. Je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Même que j'en aurais rajouté, je pourrais même dire que c'est encore. Je trouve que c'est fidèle à l'original, tout en restant, justement, tout en voulant comme se renouveler, en voulant être à la source d'aujourd'hui. Le jeu, moi j'adore ça. Ils ont vraiment bien pensé. Ninja Theory, c'est ça, Ninja Theory, qui est derrière Heavenly Soul, qui était derrière, entre autres, Enslave, hein, Monsieur Martel. même si vous ne nous écoutez pas. C'est ça, donc c'est vraiment un bon jeu, j'adore ça. Ouais, c'est pas mal ça. Ensuite, quel autre jeu que je joue? Là, j'ai redécollé. Je suis redécollé sur ma 3DS pas mal. J'ai commencé Final Fantasy Advance 2, que j'ai pas tellement continué. Ok. Qui est un bon petit jeu de tactique. Je me suis acheté Golden Sun Dark Dawn sur DS, qui est un RPG extrêmement rare. Très faut content d'avoir là-dessus. Faut jouer ça un jour, Golden Sun. Ah, vraiment, c'est une série qui vaut vraiment la peine. Nintendo, je trouve qu'il avait mis. Je me souviens d'avoir vu quelques années de ça, la vidéo au E3. Ça avait vraiment suscité des belles réactions, mais le jeu a vraiment passé sous le radar. Quand il est sorti, le monde en fait. Oh. Mais non, ça vaut vraiment la peine. Un bon jeu, un bon RPG. Je me suis acheté aussi également ma trilogie des Mario et Luigi est faite et est achetée au complet. J'ai le premier au Game Boy Advance, Partner in Time et Bowser Inside Story que je suis en train de jouer en ce moment. C'est vraiment une trilogie que je vais en reparler à un moment donné, soit dans un autre épisode ou soit, mais il faut vraiment que vous allez jouer à ça. C'est tellement de la qualité. C'est des RPG comme il s'en fait plus. C'est les successeurs de Mario RPG. Carrément, parce qu'on utilise le même combat, mais on a des graphismes différents. C'est comme un petit peu dans le style de Paper Mario, Paper Mario, non. Non, pas ce Mario. Paper Mario, dans le temps, peut-être, remarque, j'ai pas tant joué au Paper Mario, okay. Bref, hein. Mais je sais que vraiment, ces RPG-là, vraiment, on est dans une autre histoire, on est dans un autre univers, mais ça l'utilise le même gameplay au niveau du tour par tour. Fait autant qu'on peut se défendre, tu sais, quand les ennemis nous attaquent, qu'on peut. Utiliser les marteaux pour peser deux fois quand on vient pour attaquer. Des choses comme ça, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Allez vous acheter ça. Par contre, je vous avertis, ces jeux-là, c'est avis aux collectionneurs, c'est des jeux qui sont rendus dispendieux. Surtout celui au DS, j'ai jasé de ça avec un de mes clients au EB Games dernièrement. Il me parlait que Partner in Time était rendu à quelque chose comme 70$ sur eBay. Ouch. Et il dit que c'était le moins cher et celui qui était en bon état puis il a vraiment fait le tour, il le surveille tout le temps. C'est un jeu qui est très convoité, du moins. Très content de l'avoir eu à peu près une vingtaine de piastres. Vraiment, ça vaut la peine. C'est tous des jeux qui sont de la qualité. C'est pas mal ça. J'ai pas eu le temps de bien gamer à part de ça. Avec l'école, c'est assez rough. Non, c'est sûr, on a d'autres priorités aussi. Non, d'aplomb. Et aussi, on voulait vous dire, à moins que tu voulais l'annoncer, c'est comme tu voulais. Ben, on a une nouveauté qui nous a été proposée par nul autre que 6 de Horror Gamer. Horror Gamer, yes! Et oui, très content, monsieur Pierre Thibodeau, qui est en fait, d'ailleurs, que je vois le remercier, qui nous a fait un très beau shout-out dans l'épisode 12. Merci. Épisode que j'ai adoré, d'ailleurs, moi, Human Centipede, ça m'a fait beaucoup rire. Ben, ça me donne le goût de l'écouter. Ah, écoute ça, j'en manque pas un. Allez voir ça, horrorgamer.com, des gars qui sont super crinqués. La seule critique que je lui donnerais, ça s'appelle Horror Gamer. Il n'y a pas bien de jeu critiqué. Mais c'est pas grave, écoute, des jeux d'horreur, c'est pas comme des jeux normaux, ça sort pas tout le temps. C'est ça, hein? Horror Gamer. Non, mais plus sérieusement, non, on vous adore continuer ce que vous faites, vous le faites très bien. En fait, c'est que notre ami 6 va publier un podcast sur le site, sur funjoyjeux.ca et sur la bannière de Geekorama, qui va s'appeler Zik Numérique. Ça, c'est quoi Zik Numérique, Dom, là? C'est quoi? Explique donc. Zik Numérique, c'est comme c'est des compositions de chiptune qu'il a faites. Puis qui, dans le fond, ça va être comme un mini podcast, en fait. Là, voilà. C'est ça. Il les a pas faites en tant que tel, mais c'est lui qui ramasse des tunes sur Internet et qui fait son DJ un peu entre parenthèses. Et qui va nous livrer. Vraiment hot. C'est très cool. On écoutait le pilote, l'épisode pilote, là. C'est hot. J'ai adoré ça. Je suis très curieux. J'ai très hâte d'entendre qu'est-ce qu'il va nous livrer pour la suite. Ça va être très... J'ai bien hâte. Vraiment hâte. Donc, quand est-ce que vous allez écouter ça pour l'instant? Peut-être que si vous écoutez ça, c'est déjà sorti au moment qu'on se parle. Il n'y a pas de date encore officielle. Il nous a donné le nom du podcast parce qu'il n'y en avait pas. C'est un nom juste pour donner un nom, puis je le comprends, c'est bien correct. Ça fait un job. Donc, Zik Numérique, ça s'en vient très bientôt dans vos oreilles. Surveillez ça dans votre fil iTunes. Ça va être excellent. Yes. Et voilà. Écoute, je pense qu'on a survolé pas mal ce qu'on avait à survoler. Ouais, hein? Et là, je pense parce qu'on a un gros show à faire. On a un gros show, puis on va s'y attaquer tout de go, mon ami. Yes. Fait que, écoute, bon, Chrono Trigger, qu'est-ce qu'on peut dire sur Chrono Trigger? Quel jeu, puis quel soundtrack? Écoute, oui, tout ce qu'on... Moi, je te dirais, le pire, c'est que ce jeu-là, c'est un de nos meilleurs amis qui nous l'a... qui me l'a présenté, en fait, qui m'a fait découvrir quand j'étais jeune. Et c'est monsieur Lalancette. Je sais qu'il y a un de nos chums qui nous écoute, qui lui va savoir de qui qu'on parle. Monsieur Lalancette, qui sortait avec ma cousine dans le temps, était un grand fan de jeux. Là. Puis moi, ce jeu-là, tu sais, quand t'es petit cul, puis tu vas au dépanneur, puis tu vas te louer des jeux, tu te loues les classiques Contra, Megaman, tu sais. Puis je regardais tout le temps Chrono Trigger en me disant, oui, mais il m'interpelle ce jeu-là. L'image avait de l'air hot, tu sais, t'avais une espèce de grosse. C'est attirant, hein? C'est ça, tu sais. Puis t'avais Chrono avec Marl qui lui envoyait un sort du bout du doigt, puis son épée qui flanchait, puis qui s'en allait. Parce qu'il y avait Frog aussi en background, il me semble. Mais tu sais, la pochette était blanche, puis c'était pas. Tu sais, sur le coup, tu te disais pas, ah, oh, waouh, tu sais, je vais me garrocher là-dessus. Pis ça... Non, tu sais, je sais pas. Tu sais, il y avait quelque chose. Il n'y avait pas quelque chose qui m'interpellait à ce point-là. Okay. Mais bon, ceci étant dit, c'est beaucoup, beaucoup plus tard que je me suis intéressé à ce jeu-là et je l'ai découvert par émulateur. Malheureusement, là, vous allez dire que je ne fit pas dans la communauté. Mais ce n'est pas grave. Je m'assume en tant que gars qui a piraté le SNES beaucoup, beaucoup avant de pouvoir y jouer. Donc, vas-y, mon homme, toi, pendant que je regarde mes notes, on va commencer par la première chanson. Oui. Qui est nul autre que le thème de Chrono lui-même. Yes. Chrono Trigger's Theme. Et, en fait, ça a été composé par nul autre que... il y a trois petites brochettes de Japanese. Yasunori Mitsuda, Nobuo Uematsu, évidemment. Et Noriko Matsueda. Et que j'ai dit pas avec ça. L'histoire de la musique, en fait, c'est drôle parce que je pense qu'il y a eu un contretemps avec monsieur Yatsunori Mitsuda. Puis Yatsunori, c'est pas quelqu'un c'est pas un 2 de pique. Le gars, il a fait la musique de Xenoblade dernièrement, Chronicle. Xenogear, il a fait vraiment de la musique épique. C'est lui qui a fait la musique aussi de Chrono Cross, qui est... Ça, on va vous en reparler. Oh oui. On a d'ailleurs mis des on vous avait déjà publié des tunes, mais on va vous en remettre du Chrono Cross. Ce n'est pas à mettre de côté. Et c'est ça. Ça a été fait et ça a été développé et publié par Square. Sorti en... Attends, un petit peu... Excusez-moi. Sorti au Super Nintendo le 11 mars 1995 au Japon. Et en Amérique du Nord, le 22 août 95. Donc, une date très importante. Oui. Il y a eu plusieurs... En fait, il y a eu plusieurs sorties de jeux. Là. Je vous dirais qu'au PlayStation, il a sorti la version anthologie. Non, c'est ça? Mon Dieu. Ah. il y avait deux jeux qui ont sorti. Je pense que c'est Final Fantasy IV et Chrono Trigger. Mais je ne suis pas sûr. Je sais qu'au PlayStation 1, il y avait des cinématiques non. de plus. C'est vrai, excuse. C'était Final Fantasy VI et Chrono Trigger. Tu sais, le meilleur coffret avec ever. Je pense, mais... Ouais. En tout cas, corrigez-moi si je me trompe. J'approuve ça. Mais bref, il y avait sorti au PlayStation 1 le 2 novembre 1999 au Japon et en Amérique du Nord le 29 juin. Je suis en train de me rendre compte que je suis peut-être en train de trop parler, mais je préfère. Je voulais juste décrire ça pour qu'on en ait la paix et qu'on puisse passer aux chansons. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, voilà. Fait que c'est ça. Le bundle de Play 1 était vraiment intéressant. Il y avait ajouté des espèces d'animations manga-esques. comme on a vu sur d'ailleurs, sont vraiment savoureux. Moi j'aurais vu une série avec ça. Ah oui, d'aplomb. Puis j'aurais refait le jeu au grand complet en version anime. Parce qu'on s'entend, le gars qui a fait les animations, le art design, c'est nul autre que Akira Toriyama, celui qui a fait les Dragon Ball. Ouais. C'est pas rien. C'est pas n'importe qui. C'est vraiment pas n'importe qui. Ben, c'est lui aussi que, ouais, justement, il a fait les animés, les cinématiques, puis c'est aussi lui qui a fait les dessins, tous les personnages, les artworks. Ouais. C'est génial, c'est tellement beau. C'est fou braque. La version DS, quant à elle, en Amérique du Nord, a sorti le 25 novembre 2008. Et j'étais-tu prêt, moi, cette date-là, mon homme? J'avais réservé ma copie. Or, que j'avais capoté. Un 45$ dans le temps. Ouais, tout le monde était hypé pour ça, voyons. Non, ça n'a pas de sens. Hey. C'est débile. Moi, je capotais raide. Puis, C'est génial. Ensuite, il est sorti sur version mobile au Japon le 25 avril, sur la console virtuelle de Nintendo, avril-mai 2011, sur le PlayStation Network au Japon le 28 septembre 2011, en Amérique du Nord le 4 octobre 2011, sur Android et iOS en octobre et décembre 2011. Non, mais il est sorti sur plusieurs plateformes. C'est juste valable pour la DS, par exemple, qui n'avait pas mis plus de choses. Ils ont acheté quelques affaires, sans plus. Ouais. Ils ont modifié justement quelques chansons, ils ont mis des fins supplémentaires. Un nouveau gameplay touch. Je vais mettre des parenthèses, on s'entend que c'est pas. C'est pas tout cassé. Ça fait bien quand même, mais il aurait pu se forcer. Chrono Trigger aurait vraiment pu avoir un remake qui carré de l'allure. Ben, d'ailleurs, on en parlait hier soir. Chrono Trigger Resurrection. Oh, ça, là, je vais toujours aller à Square pour avoir cancellé ça. En fait, Square Enix, d'aplomb. Ouais. Oui, parce que c'est un projet qui était très, très, très ambitieux. Une bande des fans, en fait, qui voulaient tout simplement refaire le jeu au grand complet. Allez sur YouTube, tapez Chrono Trigger Resurrection, allez voir ces vidéos-là. Probablement que plusieurs d'entre vous, ça... T'sais, vous savez déjà l'existence de ce remake-là, qui n'a malheureusement jamais fait. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a tellement jamais vécu. Maudit que c'était. Ça avait tellement de potentiel. Oui. Je suis triste. Ouais, moi aussi. Je serais triste. Puis j'aurais. Écoute, tu sais, aujourd'hui, avec les Kickstarter et les Indiegogo de ce monde-là, ils auraient quasiment pu le faire. Puis crée-moi que je les aurais backés. Je les aurais backés. C'est sûr et certain, mais. Malheureusement, Square Enix, moi, je trouve qu'ils ont bien des franchises entre les mains, puis ils savent pas quoi faire avec. Ouais, exactement. Just saying. Mm. En tout cas, fait qu'en gros, c'est pas mal ça pour la fiche technique de Chrono. C'est assez complexe. Ouais. Donc, en tout cas, bref, on va continuer avec le thème. On a commencé avec le thème de Chrono de Chrono Trigger. Bien sûr. Et on enchaîne avec Guardia Millennial Fair. Yes. C'est là où que la magie commence. Oui, dès que tu quittes ta petite maison. C'est ça. Fait que c'est vraiment très cool. C'est là qu'on rencontre Marl pour la première fois. C'est là qu'on fait plein de petites activités. Hein. C'est très hot. Ensuite, on a Battle Team 1. Bon, oui. C'est assez bon, ça fait vraiment. Très rythmé, j'aime la base, elle était 40 là-dedans, ça n'a pas de bon sens. Bon. Elle est vraiment on va l'entendre pendant tout le jeu, puis pour le plus grand bonheur. Voilà. Et Courage and Bride, aussi, Pride en fait. Bride. Du courage, puis démarié. Non, Courage and Pride, une toune qui est excellente également. Mm. Et voilà, on vous envoie ça, premier bloc. Fait que on a Chrono Trigger's theme comme première chanson. Oui. Ensuite. Guardia Millennial Fair. Ensuite, le Battle Team 1. Et Courage and Pride. Bonne écoute! Yes. We'll be right back. Et deuxième bloc. Deuxième bloc. De ce spécial de Chrono Trigger. Yeah. Là, on s'en va écouter le Boss Battle Team. Oui. Le premier thème Boss. Vraiment très bon. Vraiment bon, hein. Vraiment, assez énergique. On l'écoute, on l'entend la première fois, si je ne me souviens bien, dans le monastère, si je ne m'abuse. Qu'on y accroche, je pense. Qu'on y accroche, oui. C'est ça qu'on se disait hier soir, effectivement. C'est quand on s'en va sauver, finalement, la princesse, je pense que c'est Lina, qui, elle, se trouve à être la vraie princesse de ce monde-là. Parce que quand Marle se fait... se transporte dans le passé, là, tout le monde pense que c'est elle, sauf que là, il est arrivé de quoi avec la vraie reine, bref. Puis là, il y a un... ce qu'on appelle une fissure temporelle et les Marle disparaît. Il nous explique un peu plus tard là, comment ça s'est passé là, avec une espèce de schéma, je sais pas trop. C'est un espèce de petit bébé qui pousse, pouf, qui devient une princesse. Un petit bébé, pouf, qui devient une princesse. Là, maintenant, tu vois l'espèce de petit gobelin qui arrive, qui botte une des princesses et il l'enlève. Là, il rit pas comme ça. Là, il fait en sorte que, ça fait en sorte que toutes les autres princesses disparaissent parce qu'il y en a une qui manque. Ouais. C'est un peu... Moi, j'aime ça, l'espèce de vortex de temps, ça fait vraiment... Back to the Future avait bien saisi ça. Ouais. Et je trouve que dans ce jeu-là, c'est peut-être pas aussi complexe que Back to the Future, mais c'est vraiment super bien amené. Puis le premier combat avec Yakra, il est quand même assez chiant, il faut dire. Tu fais des X-Strike avec Frog. C'est ça. Je me rappelle très bien. X-Strike. C'est vraiment encore là très bon. Ensuite, Far Off Promises. Ouais. C'est beau ça. Ouais. Et que c'est beau. Une belle balade, comme on les aime. Tu pourrais faire quasiment jouer ça à tes petits-enfants. Si vous voulez. Ouais, comme une espèce de petite boîte à musique que tu crées. Ouais, exact. Je trouve que ça rappelle vraiment ça. Et c'est. Je me souviens plus exactement du moment. Je me trompe pas, c'est quand soit Marle se fait. C'est un rapport avec Marle. Je pense que c'est quand t'es dans le château. Puis que quand tu t'en vas voir Marle dans le château, puis là, c'est Chrono puis Marle sont dans une petite pièce. Ils sont en train de parler ensemble. Ouais, c'est ça. Puis la manée, pouf, Marle... Elle disparaît. Puis il y a juste le collier de Marle qui tombe par terre. Ouais. Celui que tu avais trouvé dans le Millennial Fair. L'espèce de parc... pas parc d'attraction, mais vraiment pas. Fête foraine. Exact. C'est le mot que je cherchais, merci. voilà. Ensuite, une toune qui est tellement pas bonne. T'sais. Personne ne la connaît. Personne la réclame. Non, il n'y a personne qui la veut. C'est quoi, Dom? Le thème de Frog. Non, c'est des blagues. c'est une des plus populaires de Frog. Quand on vient qu'on le rencontre, pas pour la première fois. Parce que la première fois, c'est dans la cathédrale. On vient qu'à trouver des indices. Dans la cathédrale, quand on revient, et là, boum, Frog apparaît. Puis un moment cocasse. Et ensuite, quand tu viens à l'avoir, il y a la chanson thème qui écoute. Cette chanson-là m'a marqué tellement quand j'étais kid, tellement que moi, je me souviens, un de mes anciens amis que je me tenais beaucoup avec, on jouait beaucoup à des finales, puis tout ça. Je trippais bien gros avec. Puis quand on était jeune, on était à CJS. CJS, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est comme une espèce de... c'est la coopérative jeunesse de service, on faisait des jobs. Puis à un moment donné, on avait été dans un champ, une espèce de gros champ où ce que l'école, on avait pogné ce contrat-là, puis il fallait enlever des mauvaises herbes. Mais écoute, c'était quelque chose, c'était tout qu'un contrat. Puis on sifflait c'était tout qu'un gun. Fait que c'est ça, mais on sifflait la chanson de thème. On sifflait toutes les chansons de thème de Chrono Trigger, puisqu'on capotait là-dessus. Et je me souviens que celle de Frog, on la chantait sans se parler. Sans se dire, moi puis mon chamé dans le temps, on la sifflait pratiquement dans les mêmes temps, les mêmes rythmes, dans le même... c'était fou. C'était une chanson. That song. Elle nous a toutes marquées. Ouais, elle nous a pas mal toutes marquées. Puis elle revient à plusieurs séquences. À un moment donné, tu vois ce que Frog a la Masamune dans les mains et doit couper... cercle de roche pour aller. Quel moment! C'est sa destinée, tu sais, là. C'est maintenant ou jamais. Parce que lui a toujours été. Bon, c'est un personnage qui est un peu tourmenté du passé. Parce qu'on se souvient, c'est Magus qui l'a transformé comme ça. Il s'appelait Glenn avant. Ouais. Et il a jamais vraiment accepté sa situation. On s'entend, t'es une grenouille. Ouais. Tu te feras pas embrasser par un prince charmant là-dedans pour redevenir Glenn. Fait que, bref, fallait qu'il reprenne. fait, il y avait un peu. Bah, dans son cas, ce serait peut-être plus une princesse ou c'est un. Je pense pas qu'il. Ouais, non, non, c'est vrai. C'est par un prince. <C'est vrai. rire> À moins qu'il aime ça, les petits monsieur, ben, ouais. Ça m'étonnerait. Viens m'embrasser, petit prince. En tout cas, Glenn, en gros, c'est ça. Il pensait qu'il avait perdu confiance en la royauté et non. Bref, en tout cas, l'histoire, c'est écœurant, on s'entend. Oh, oui. C'est entre autres pour ça. Et hey, la prochaine, Kingdom Trial. Kingdom Trial. Ah, oh, ça, c'est fantastique. La première fois que j'ai entendu ça, j'ai eu des frissons. Il y a du tramos dans le tribunal. Oui, le tribunal juger. Pour la première fois. C'est quoi déjà qui t'accuse? Je pense que en fait, il t'accuse d'avoir enlevé la princesse, tout simplement. Okay, parce que okay. C'est, c'est un peu drôle la manière que ça se passe. T'as l'espèce de chancelier avec la grosse barbe là, qui est tout énervé, qui est en fait déguisé en Yakra. Ou pas. C'est mal, hein? Bref, je me souviens plus. Mais tout ça pour dire que... bref, c'est ça... dans ce moment-là, autrement dit, Chrono, il se fait sermonner. C'est vraiment comme une espèce de tribunal. Mais on peut faire des espèces de séquences avant le tribunal qui va faire en sorte que ça va changer un peu. Ben, ça changera pas grand-chose, mais qui va faire en sorte qu'à la fin, tu peux être coupable ou non coupable. Comme exemple, ouais, c'est drôle. T'as un chat dans la fête foraine que tu peux sauver. Oh oui. Tu fais, là, la petite fille, elle vient. Ouais. Elle dit, moi, viens sauver mon petit chat, pis tout ça. Ensuite, t'as un vieux monsieur, là, ben une madame, je sais pas trop, qui, tu sais, dans la fête foraine, t'as comme un espèce de sac mauve. Rose, qui... ouais, mauve, là. Pis que tu ramasses, tu peux le ramasser, t'as le choix de le prendre ou pas. Pis si tu le prends, ben tu lui, le manges. Ouais, pis il vient témoigner contre toi. Contre toi, parce qu'il dit, hey, il a mangé mon ouais. Dîner, tu sais. Ouais. Après ça, t'as plein d'affaires. Quand t'arrives pour parler à Melchior, qui est en fait un personnage très important dans l'histoire, allié. Un précieux allié qui, lui, va faire, qui va forger la Masamu, finalement, la Masamune. Puis lui, il vient à regarder le collier de la princesse. Ben, d'ailleurs, quand tu fonces dans Princesse, la première chose que tu dois faire, c'est parce qu'elle tombe et son collier tombe également. Si tu vas la voir directement pour checker si ça va bien, ben ça, c'est dans la cour, c'est pris en note. Parce que là, il y a des témoins qui vont dire, ah ben, si toi, au lieu d'aller voir la princesse, t'es allé voir le collier, mais ils vont dire, ah là, il est allé voir le collier avant au lieu d'aller voir la princesse. Sérieusement, tu sais. Étrangement, je pense que j'allais tout le temps voir le collier avant. Je prenais le collier. Après ça, ben moi, je me suis dit, je vais ramasser son collier. Après ça, je vais lui donner. Ouais. Mais non, faut que tu ailles voir la princesse en premier. Puis après ça, tu lui donnes ça. Tu vas voir le collier. C'est fou, hein? Parce que c'est ça. Ça montre le fait que, au lieu d'aller la sauver, tu t'intéressais plus aux bijoux que la princesse. Ce qui est totalement faux. Ouais. Mais. Parce que tu lui donnes par après. C'est ça. c'est quelque chose pareil ouais. Quand on y pense. T'sais, c'est pas des choses tout de suite que je me disais, ah ben oui, tu sais, je vais aller ramasser le collier, puis après ça, je vais aller voir la princesse. T'as plein d'affaires comme ça. Quand la princesse arrive pour Marle pour prendre des bonbons avant d'aller voir Lucas et son invention qui est le téléporteur, elle a dit, oh attends un peu, je vais aller checker des bonbons. Fait que là, t'attends. Mais il faut que t'attendes. Ah ouais. Pis quand t'arrives pour partir, tu sais, Mané, t'es écœuré, puis tu veux partir, là, tu fais comme dans le jeu, c'est comme si. Chrono lui pogne par la main puis essaye de la tirer. Puis là, Marle a dit quelque chose comme, ben voyons, on dirait que je suis ta prisonnière. En fait, en tout cas, elle a dit quelque chose, puis ça, ça va contre. Ouais, au début, je comprenais pas. C'est que, ben, quand j'étais plus jeune, là, moi, je m'en foutais. Je voulais juste m'en aller de là. Oh, oui, c'est ça. Tu comprends pas l'anglais, mais pourquoi on reste là? C'est ça. Mais ben, ouais. En plus, c'est quand même assez. Tu sais pas trop où aller, c'est mal indiqué. Puis quand tu comprends pas l'anglais, justement, c'est encore pire. Ouais, fait, c'est ça. Là, t'étais là, voyons, fous à peine, là, tu sais. Mm. Ah non, c'est quand même très hot. Puis ça, cette chanson-là, c'est une de mes meilleures de ce bout de jeu-là. Je l'adore, elle est très hot. Donc, qu'est-ce qu'on écoute? On va écouter le Boss Battle Team 1. Yes, alors ça, on a Far Off Promises. On a la Frogs, la thème de Frog. Et nous avons Kingdom Trial. Yes! Bonne écoute! We'll be right back. 3. Voilà. Bloc voilà. 3. Le troisième bloc. Par quoi on commence? Là, on reprend l'aventure de nos amis dans Chrono Trigger par le Labs 16 Room. Lab 16 Room. Dans le futur. Dans le futur, oui. Parce que, puis j'y pense, on n'a pas vraiment parlé de l'histoire de Chrono Trigger en tant que telle. Je pense que ça découle un peu de soi-même. En fait, le but, c'est que eux autres, ils veulent sauver la terre de Lavos. Et pour ce faire, en fait, c'est sûr que ça a commencé plus avec Luca qui a découvert avec sa machine une espèce de sphère pour voyager dans le temps. Puis c'est là que l'aventure a commencé. Ben, je trouve ça important de mettre ça en contexte. Oui. Parce que je trouve qu'on n'a pas vraiment parlé de l'histoire en tant que telle, en fait, le pourquoi qu'ils font ça. Et c'est vraiment dans le futur maintenant qu'on va aller plus creuser en profondeur le pourquoi de ce qu'ils vont faire ça finalement. Qui veulent carrément sauver la planète de sa destruction. Je me rappelle plus de l'année exacte, parce qu'à Mané, dans le jeu, t'as une cinématique, là, tu vois la rose qui sort de la Terre. Ouais, là. C'est ça. Puis... C'est 1999. Ouais, c'est... Ouais, je pense que c'est ça. Autrement dit, quand tu... là, on va passer au travers de toute cette belle affaire-là tantôt, mais quand ils viennent à regarder le vidéo qui fait en sorte que, tu sais, on voit la voix qui détruit... Ouais, ça, c'est cool. C'est malade, puis dans le fond, le futur, c'est après Lavos, donc ouais. C'est là qu'on voit qu'est-ce qui s'est passé, les habitants sont carrément réduits à néant, ouais. c'est très très très dur, ils sont même pas sûrs de survivre, donc puis nous autres, on arrive là, ouais. Comme tout en santé, tout pétant de joie, puis tu sais, les habitants sont... Tu vois la vose qui fait comme relâcher des espèces de pic. Ouais. Je sais pas trop. Qui fait une attaque. Puis ce qui est cool, c'est qu'en background, tu voyais un peu que les villes avaient déjà la technologie. Là. Tu vois comme les villes, puis tu vois comme des espèces de sphères de protection exact. Autour. Mais tu voyais que la technologie était avancée. Ouais. Mais la vose a comme tout détruit ça d'un coup sec. T'sais. Donc, le Lab 16 Room, en fait, ça, c'est un peu avant ce qu'on vient de vous dire. C'est un peu avant d'aller vers notre ami Johnny. Ouais, c'est là qu'on commence. On voit quelques créatures, dont des espèces de plantes. Là, ils sont dégueulasses. Le mutant, espèce c'est tellement dégueulasse. On dirait je sais même pas comment décrire ça. Ils volent du MP. Une espèce de tentacule qui te pénètre. Ils sont vraiment en l'aide. Puis il y avait pas mal de HP aussi. Il était dur à battre. Ouais. Fait que bref, on voit que le monde est détruit. Là. Ouais, il n'y a plus rien qui est vivant. Je sais qu'on l'entend aussi dans le Lab 32. Ouais, le Lab 32 qui est la même chose. Mm. Finalement, qui est comme l'espèce de séquence entre les deux. Ouais. Et qu'on s'en va voir nos personnages principaux. Et ensuite, la deuxième toune qui est The Day the World Revive. C'est beau. Ça, c'est beau. Ça fait penser un peu à Father of Promise de Chrono puis Mal. Ouais, exact. C'est un peu dans la même gamme, je dirais. Ouais. Puis je trouve que ça représente bien un peu la tristesse puis le désespoir. Là, parce que là, tu vois, tous les habitants là, sont tous rassemblés. Là, ils ont fret là, puis tout ça. Ils ont faim. Ils ont faim puis sont tous démunis. Non, c'est quelque chose. Ça, ouais, ça représente parfaitement bien ça. Puis t'as même, c'est drôle, moi je me souviens tout le temps. Puis ça, c'est devenu un peu une joke. T'as les espèces, pas les dons, mais t'as. T'as une espèce de place où ce que tu peux aller qui te redonne de la vie c'était cool, ça. De la magie. Mais quand tu ressors, ça dit « But you're still hungry ». Ouais. t'as toujours tout le temps faim parce qu'il n'y a pas de bouffe. C'est ça. Comme un ventre qui gargouille et ça dit « Ben, t'as encore faim ». Ouais. Fait que ça, j'avais trouvé ça... Tu sais, c'est comme « Ben, voyons donc ». T'as une espèce d'aspect de nourriture que j'avais jamais vraiment joué dans d'autres jeux. C'est comme « Hein ». Tu sais, j'ai la nécessité, malgré qu'on mange jamais, il ne faut pas manger dans le jeu pour... on n'est pas obligé pour survivre. Ouais. Mais tu sais, c'est comme ça te donne vraiment un indice et c'est la première fois que je voyais ça dans un jeu. Hein, quoi? Tu sais, une notion de faim, c'est débile. Mais petite parenthèse, tu te rappelles, c'est dans le château, tu peux te commander de la nourriture. Oui, c'est ça, oui, c'est vrai. Puis tu payes pour avoir un service. Tu peux te commander, quand tu commandes le gros poulet, le plus gros beefsteak, en tout cas, là, tu vois, tu vois la fille qui s'en va en bas, ok, j'en reviens, puis t'entends des... Il t'arrive avec le monstre. Avec un gros morceau de poulet, tu le quittes. Non, mais c'est ça, c'est hot, ces affaires-là, des petits détails qui rendent le jeu fort intéressant, effectivement. Ensuite, on a Bike Chase. Ouais, ça c'est le thème. En fait, c'est quand on fait la course. Quand on fait la course. Contre notre cher ami Johnny. Johnny. Ben, ça, c'est pas quelque chose que t'es obligé de faire. Parce que tu t'as comme Johnny, puis avec. Je pense que t'as une espèce de gros char aussi à côté. Ouais, ben en gros, ben, c'est carrément une espèce. Ben, ça, c'est ton véhicule. Un véhicule très avancé, technologiquement parlant, qui fait en sorte que. Ben, c'est ton véhicule. Bon, Johnny, c'est une moto en tant que telle. Lui, c'est comme une espèce de moto. Ouais, c'est un hybride entre les robots moto. Puis la clé de ce véhicule-là, je me souviens plus. Il me semble que c'est le vieux qui nous la donne quand on revient justement du lab. Peut-être pas du lab 16, mais quand on s'en va battre le robot dans le boss au début, là il fait comme. Tu sais, il voit que finalement, c'est vrai. Vous êtes revenu vivant, vous êtes notre seul espoir. Et c'est là que d'ailleurs, The Day the World Revive start. Parce que. Ouais, Johnny, et il te donne la clé. Parce que Johnny, t'es pas. Hein, c'est vrai, je me rappelle. Johnny, t'es pas obligé de le battre. Non. Non, depuis la première fois, si tu le bats pas, tu vas traverser le je pense, le lab 32, ben la fin du lab 16, puis tu vas avoir dû battre les monstres, puis tout ça. Ouais. Puis si tu le bats, t'as pas besoin. T'as le choix parce que quand tu t'en vas faire la course, tu perds, ben, tu recommences au début. Puis t'as le choix de t'en aller vers la droite et là, t'as le lab normal. Mais sinon, si tu gagnes la course, c'est ça, tu t'en vas du point A au point B sans avoir à battre les monstres. Plus tard, quand t'en reviens, t'es plus obligé de le battre, tu t'en vas dans le short direct, salut. Puis tu skippes tout le reste. Mais Bike Chase, ça c'est drôle, c'est quand tu te bats contre lui, là. Parce que là-dedans, c'est comme une course qui va vers la droite, là, puis c'est tout le temps, là, tu vas tout droit. C'est répétitif. Puis ça donne, sérieux, là, ça donne tellement rien de. Tu sais, d'essayer. De mettre toutes les boosts, là. Toutes les boosts, là. Moi, là, ce que je faisais, là, c'est que je faisais rien. Puis, tu sais, c'est. Parce que lui, Johnny, tout ce qu'il fait, c'est se mettre en avant de toi, là, puis là, tout avant dessus, ça. Ça rebondit, on dirait que c'est plastique, on dirait que c'est caoutchouc. Ah, ouais, c'est ça. Puis moi, ce que je faisais, c'est que je pesais rien, là. Ouais. Rien, puis là, je m'amusais à rentrer dedans tout le long, là. Puis, juste. Vers la fin, tu mets les boosts. Vers la fin, tu prends un boost. T'as juste besoin d'un boost pour gagner. Tu prends un boost, là, boum, t'as gagné. Parce que même si t'essaies de le dépasser, tu vas tout le temps revenir en arrière de lui, là, pour revenir en arrière de toi, ça va tout le temps faire ça. Fait que t'as rien qui a pas bougé. Puis tu vas tout le temps rentrer dedans. Tac, c'est ça. Tous ceux qui jouent à chrono de manière régulière, je pense qu'ils ont tous compris ça. Mais moi, quand j'étais là. Je suis content que je catch, c'est pas trop long que tu catches. Là. Hein. De toute façon, c'était pas un jeu de course. T'sais. Ils ont pas essayé de rendre ça. Ouais, mais c'était drôle. Mais non, c'est un beau petit. Puis en plus, c'était un semi 3D, un graphiste qui était quand même pas pire. Là, t'sais, là. La toune est cool. Vraiment très bien. Je suis malade, on s'entend. Ensuite, on a la toune de Robo. Robo Steam. Notre cher Robo. C'est rythmé, ça fait un peu Ben des années 70 quasiment. Puis il y en a même qui osent dire ça, bon, je suis peut-être pas d'accord avec ça, que ça ressemble beaucoup à Never Gonna Give You Up. Colin, j'allais le dire. J'allais tellement le dire. De Rick Astley. Ouais, non. Oui, oui, puis non. On se fait comme récroller d'une manière subtile dans Chrono Trigger. Tu sais, c'est. On se fait un message lumineux de récroll. Mais non, c'est. Ça y ressemble beaucoup. Mais j'aime beaucoup les tambours du début. Ouais. Tout tap, tout, tout, tout. C'est, j'adore ça. La première fois que j'ai entendu ça, j'étais là, voyons donc. Si. On dirait qu'il n'y avait pas une toune qui était mauvaise. C'est un chrono, non. Pratiquement pas. Puis quand je me rappelle, il me semble que cette toune-là, quand elle commence, c'est comme Buka a fini parce qu'elle veut. Quand tu trouves Robo pour la première fois, il est amoché. Il est amoché et il finirait. Ouais, puis quand elle finit par le réparer, wow, là, cette toune-là commence. Puis quel moment. Là, tu vois Robo qui bouge de tous les côtés. Il est de renouveau, il est envie de renouveau, donc il danse, il parle, puis tout ça, puis il aime bien ça, donc alors c'est un très beau moment, super beau moment, et la chanson très rythmée, très joyeuse, capture bien ce moment. Yes. Donc, on a quoi? On a Lab 16 Rune! Yes, après ça, on a The Day the World Revive, Bike Chase, et le thème de Robo. Oh yeah! bloc numéro 4. Yes, toujours dans ce spécial. Écoute, la toune qu'on a en premier pour le bloc 4, c'est... The Brink of Time! Eh oui! Hey, ça là, c'est quand tu te ramasses pour la première fois? Ben, avant, c'est quoi l'expérience? Ça situe? En fait, Colin, ce qui s'est passé, c'est... Je sais le moment, là, mais... Un coup que t'as trouvé robot, là, tu t'en vas dans la factory, autrement dit, l'espèce d'usine. Et là, finalement, il se fait débattir par toutes ces on met des parenthèses, chummy robots. Ah oui! Puis là, c'est là que Lucas décide, OK, on retourne dans le passé. Ben, on retourne à notre époque ou peu importe. Ils veulent aller à une certaine époque. Et c'est là qu'ils se ramassent, finalement. Là, je me souviens encore, on est quatre alors qu'on n'est pas supposé. Puis t'as comme un robot qui fait comme tout le temps marcher dans le beurre quand on avance, là. Quel souvenir. Je sais pas si tu viens pas de ça. Mais c'est vraiment pas drôle. Vraiment, non. Parce que quand t'arrives dans. En fait, ça s'appelle. L'époque, c'est At the End of Time. Il n'y a aucune époque là-dedans. Là. T'es comme dans une fissure temporelle. Ouais. Puis t'as les quatre personnages. Donc t'as Robo, Marl, Lucas et Chrono. Puis on n'est pas supposé être quatre. Mais quand tu te promènes dans le monde, ben là, t'sais, Robo est comme un peu. On voit qu'il est attaché là par. Un peu. Il est pas supposé être là. Ok. C'est très drôle pour ça. Moi, c'est toujours un souvenir qui. Et oui, et évidemment, on rencontre un autre des personnages très importants. En fait, je pense que lui, Melchior et un autre, c'est les Elders of Time, quelque chose dans le genre. Puis ouais, tu le vois, il est en train de dormir avec ouais, son chapeau. Avec la grosse bulle de la grosse bulle de morve. En tout cas, on espère que c'est peut-être pas de la morve. c'est très manga-esque, c'est très proche de l'univers manga. On voit souvent ça des vieux qui dorment et ils sont représentés par une bulle. Pourquoi en fait ouais. Ça a toujours été comme ça, mais très étrange. Bref, oui, et la chanson, c'est un peu un enchaînement d'accords, tu sais. Ouais. Fring, fring. Ouais. Puis c'est là que tu choisis, c'est comme un peu dans le sens ta ton headquarter, dans ouais, le sens c'est que c'est là que tu choisis toutes tes époques, là t'as comme des espèces de portales bleus. Là. Voilà, quand à gauche complètement, ouais. C'est là que tu choisis les différentes époques. Et lui, il t'explique dans le fond, ce vieux-là, où ce que t'es et qu'est-ce que tu fais. Là. Tu peux tout regarder, tu peux remplir ta vie, là, ouais. T'as des espèces d'étoiles. Non? C'est, Même dans le coin à droite, si je me trompe pas, tu peux aller directement à Lavos, qui est le gros boss de la fin. Ouais, il y a une espèce de CEO. Si ça te tente, ouais. Mais t'es pas catapulté directement là, mais si tu veux passer le jeu tout de suite, là, tu peux. Ouais, tu peux. Ouais. Fait que, non, c'est mémorable, on s'entend, c'est une scène qui est marquante. Et, ensuite de cela... On va la prochaine. Ouais. Bon, je te vas-y. Ok. The Delightful Specchio. Delightful Specchio. Specchio, en fait, c'est... On le sait pas vraiment ce que c'est. En fait, on sait qu'est-ce qu'il fait et quel est son rôle. On dirait un espèce de singe. On dirait un macaque, là. Ouais. C'est pas clair, vraiment, c'est qui, mais Specchio. On sait qu'il parle, contrairement à tous les autres macaques pareils que tu rencontres avant lui, puis qu'on le sait toute une voile. Mais ça, on le dit pas à Specchio. Ouais. Fait que c'est ça. Et, en gros, Specchio, lui, il t'enseigne la magie. En fait, il dit que dans chacun de nous, il y a un élément. Et cet élément-là doit être un peu « ignite », le mot français, on va dire. Il va le chercher en toi, il va aller chercher la magie. Il est inné. Oui, exact. Et là, on va faire une espèce de quelques tours autour du tableau. Je pense qu'il faut que tu fasses 2-3 tours. Là, faut que tu fasses deux tours, je pense, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ouais. Pour pouvoir, en tout cas. Puis là, il dit « t'as réussi ». Ouais, puis là, c'est drôle, là, il t'en regarde faire. Là, j'ai toujours haï ce bout là. Au début je comprenais. Parce que là il dit faut ouais, moi non plus. Puis faut que tu longes le mur, faut que tu colles le haut mur, puis faut que tu le fasses sans qu'il te voit. Je sais pas trop. Bref. Là. Ben je le sais là, mais j'ai toujours trouvé ce bout là un peu inutile. Ça donne quoi de courir deux tours, bref. Ben, avec la toune qui est en background, c'est elle est vraiment spéciale ce tune. Ouais, c'est vrai qu'elle est spéciale. Mais elle est bonne, je la trouve vraiment excellente. Ouais. Très, très, très bonne. Après ça, Boss Battle numéro 2. Oui. Très, très, très, très épique. Celle-là, je dois dire, et bien franchement, que je ne me souviens plus exactement la première fois qu'on l'entend. Je suis perplexe. La première fois. Tu avais dit que c'était au Tyranno Lair, que tu pensais. Ben, je sais qu'on l'entend là, ça, c'est sûr et certain. Exact, ouais. Dans l'époque préhistorique. Ouais, sinon, je me. Il y a sûrement d'autres moments, je me rappelle pas exactement. Peut-être qu'on dit à la fin. Oui, ça c'est sûr et certain. Parce que oui. Sinon, il y en a d'autres, là, mais... Ouais, je peux pas dire que je suis pas capable de me remémorer le moment. Oh, juste me replacer. Bon, et voilà, c'est fait. sur ça, la prochaine, qui est, en fait... Là, maintenant, on change d'époque encore une fois. On se retrouve maintenant, nos héros, on a le choix maintenant d'avoir des trois personnages. Donc, il faut prendre soit Robo, soit Mar, soit Lucas. Et en fait, petite parenthèse, ce qui était le fun dans ce temps-là avec les choix des personnages, c'est qu'on avait des combinaisons. Hein, le gameplay de ce jeu-là, c'est un RPG. Fait que, ce qui était cool, c'est que bon, tu pouvais choisir si c'était les combats étaient action ou t'attendais. C'est-à-dire que quand tu choisissais dans les menus les attaques, les ennemis ne t'attaquaient pas. Donc, en tout cas, tout ça, c'était bien le fun. Et en plus, tu pouvais combiner des attaques avec tes ennemis. Comme tu parlais tantôt, le X-Ray avec... X-Strike. X-Strike, oui, t'as raison. X-Ray, c'est plus un rayon laser X. Ouais. Ça aurait été plus un robot, puis encore là, je pense qu'il n'y en a pas. Ou quelque chose de similaire. Mais bref, ça, autrement dit, c'est ça, c'était Frog et Chrono qui combinaient, qui faisaient une espèce de X avec leurs épées. Ouais. Et ça pouvait se faire avec plein d'autres personnages. Et quand tu débloquais la magie, ben là, c'est encore plus le fun, parce que tu pouvais faire des sorts de feu avec Chrono, ouais. Tu pouvais faire des sorts de glace avec le robot, avec Frog. Fait que, c'était vraiment... Les magies, ils se combinaient. T'avais vraiment des éléments combinés qui étaient super trippants. J'adorais ça. Et tout ça pour en venir au fait que le thème de Ayla, on l'écoute quand même assez tard dans... Bon, c'est pas nécessairement tout de suite dans le monde préhistorique, mais c'est quand même un personnage qui est très attachant, qui était très drôle. Parce qu'au début, tu y vas dans la préhistoire, mais tu rencontres pas Ayla tout de suite, je pense. Il y a un certain moment juste que tu rentres dans la préhistoire, puis là, il y a plein d'espèces de mutants partout, oui, oui. Là, tu sais pas ce qui se passe, puis là, faut que t'es battes. Des reptiles. Ouais, des reptiles, puis là, Manif, elle vient t'aider. Elle vient te sauver, exact. Ouais. Puis elle sauve, puis tu vas la chercher. Très bonne chanson. Ouais. Très, très épique. Je vois pas vraiment les je sais pas si ça fait préhistorique ou pas, mais un peu quand même. Ouais. Mais c'est bon. Peut-être une petite parenthèse. Dans ce jeu-là, ce qui était cool, c'est que t'avais le choix, t'avais le mode, justement, tantôt, tu sais, t'avais le mode normal qui dit chacun attaque à chacun son tour, ou t'avais le mode actif où l'ennemi t'attaquait pareil. Moi j'ai toujours joué de même tout le temps, pas moi, j'aimais mieux ça de même, hein. Comme ça fallait que je me dépêche, plutôt ça ajoutait un peu de challenge. Effectivement, mais non, c'est que en fait oui, j'avoue, mais moi ce que j'aimais au début, je trouvais ça dur. Fait que tu sais, j'allais tout le temps comme wait comme ça, ben j'avais le temps de planifier mes trucs. Mais c'est plus tard, moi, que j'ai pris l'actif. Ouais, c'est vraiment le meilleur, tant qu'à moi. Après avoir fait ce jeu-là un nombre incalculable de fois, ben, ouais. Ça vient de chercher un petit peu plus de challenge. Yeah! Voilà! Bon, après ça... Ben, Tyranno Castle. Tyranno Castle, et ça, c'est vraiment le château des dinosaures. La mission principale du temps préhistorique. Ouais. Ben, je pense que c'est plus Tyranno Lair, en tout cas. Oui, ça revient au même, mais ouais. Oui, c'est plus Tyranno Lair. Super, vraiment super bonne. La ligne de base là-dedans est écœurante. L'espèce de rythme à la fin qui est... Oh, cette chanson. J'adore l'écouter quand je suis dans ce temps-là. Je sais qu'il y a un mini-boss là-dedans. Là. Je n'ai pas de son nom, mais c'est lui. Est-ce qu'il faut que tu... Faut que tu saques un éclair avec Chrono pour qu'il perde sa défense. Oui. Je sais pas de son nom. Il revient plusieurs fois. Ouais, je pense que c'est la deuxième fois que tu le rencontres. Je sais que c'est un con. Oui, il va l'en revendre. Ouais, parce que ben, c'est des boss qui ont un certain pattern. Tu peux pas les attaquer comme tu veux. Faut vraiment que t'ailles la magie. Ça, c'est un RPG. Là. Comme le boss dans l'eau, là. Ben, c'est plus dans le début, là, ce qui fait une espèce de croiser que ça, même si tu l'attaques, il te fait une attaque d'eau vraiment forte. Oui, c'est vrai, oui, mais ça, oui. Ben, ça, c'est un peu avant. Faut pas que tu l'attaques. C'est dans les débuts. Ouais, c'est ça. Puis, très chiant. Très chiant. Bref! C'est tout. C'est tout? Yes. C'est tout? C'est tout. On y va que ça. Yeah. Thank you. Cinquième bloc. Hey, on s'excuse, ouais, on a oublié de faire un recap du quatrième bloc. Donc, ok, on va le dire. Bright of Time. Brink of Time. Delightful Specchio. Boss Battle 2. Ella's Theme. Et Tyranno Castle. Et Ella's Theme, la team de Ella, pour ceux qui n'ont pas l'accent français, fort, ou anglais. Alors, excusez-nous, on était trop emballés par notre stuff. Écoutez, c'est tellement malade qu'on notre gueule. Ouais. Fois, on oublie ce qu'on fait, on oublie des choses. Donc, écoute, vas-y avec la présentation de la première tune. La première chanson de Block 5, c'est le combat. Mets-nous donc en contexte, là, quand est-ce qu'on voit cette tune-là. Le combat contre Magus. Écoute, Magus. Moi, je me rappelle étrangement du nombre de vies qu'il y avait. Il y avait 6666 de vies. Tiens, Number of the Beast. Le numéro de la tête. Ah ouais, j'avoue, c'est tellement cool. Puis tu sais, quand t'arrives dans le... Voyons, c'est la pièce que tu le bats avec les espèces de flammes bleues. Ben oui. Le chemin entre le chemin, dit, qui donne finalement à Magus. T'sais. Ouais, c'est ça. Puis, c'est là, débile. Puis là, il se tourne, là, puis là, il prend son gant comme un proctologue. Puis il fait. Ok, c'est épique. Je me souviens de cette chanteur, je l'ai toujours apprécié. Pour son design, pour comment il était fait, je le trouvais bien fait. Les ennemis apparaissaient pas d'une manière random, tu sais. Ils étaient vraiment souvent soit placés dans... Tu sais, des fois, t'avais des espèces de chaînes avec des statues qui apparaissaient. Ouais. Ou des fois, c'était des trappes. Ouais, des choses comme ça. Tu te rappelles-tu du trio? Oui! Ozzy, Flea et Slash. Ouais. Et en l'honneur, en fait, de trois musiciens, Ozzy Osbourne, Slash, le guitariste de Guns N' Roses, et Flea de Red Hot Chili Peppers. Tu me le dis là, puis c'est là que je t'allume. T'allumes, hein? C'est là que j'allume. C'est carrément en référence à c'était. Puis aucun rapport dans le jeu, mais je pense que les développeurs vont faire un petit clin d'œil là-dessus. Il fallait que t'es battes tous les trois. Il était pas dur. Ben, Flea, il était pas si pire. Je pense que c'était le moins tough. Slash, t'es quand même pas évident. Flea, c'est la fille, right? Je sais pas, ouais. Puis quand ils étaient les trois ensemble, c'était quelque chose. Ouais, c'est les trois ensemble qui est dur. Ils faisaient des espèces de combos, des magies à finir. Puis, je pense qu'ils t'en faisaient des X-Strike à eux autres. Ouais, d'aplomb, c'était quelque chose. Je sais que Ozzy, il arrêtait pas de te traquer, là, puis il était tout en haut avec une espèce de crinque, là, puis là, il tendait des pièges. Puis, là, il faisait tout ça. Ça faillait tout le temps. Ouais, puis là, il faisait une petite face là, vraiment comique. Là. Ozzy in the carpet. Mais à part de ça. Puis à la fin, il était dans un bloc de glace. Ça, c'était long. Ouais, mais en parlant d'eux autres, justement, plus tard, t'as comme une quête annexe, une sous-quête que t'es arbas eux autres, je pense. Ah ouais, ça se peut très bien. Ouais, t'es arbas. Je me souviens pas du tout du contexte. T'as plusieurs quêtes annexes dans le jeu là, c'est quelle fois. T'en as pas mal. Je me souviens plus quand est-ce exactement. Mais t'en avais plein, des quêtes annexes là-dedans, c'était le fun. J'aimais bien celle de lui qui était le jeune héros de la guerre. Il y en avait un qui était mort dans une époque. Puis tu pouvais trouver les armures Shell, en fait, qui étaient, je pense, forgées par Melchior, mais je suis vraiment pas sûr. Ok. Puis tu venais par. Rainbow. Ouais, ou Shell ou Rainbow. C'est là que tu trouves la Rainbow Sword. Là. Ouais, la Rainbow Sword qui est carrément la plus forte du jeu. Je me souviens avoir déjà trouvé cette épée-là jadis. J'avais regardé sur le net. J'ai aucun mérite à ça. Puis le Prism Dress aussi, je me rappelle. Ouais, le Prism Dress, t'avais le Rainbow Dress. En tout cas, t'avais vraiment une panoplie d'armures et d'armes à l'effigie de ça. C'était vraiment cool. Ouais, c'est ça. Vraiment, vraiment cool. Et tout ça avec tous ces souvenirs avec Battle of Magus, c'est débile. Ouais. Écoute, mon Kevin, continue comme ça, c'est ta toune. Corridors of Time. Oh oui, d'accord. Ouais, Kevin, c'est comme ça. Que tu t'en allais à parler de Kevin. Oui, mais monsieur Kevin, ça c'était en fait sa demande spéciale. Ben, quand on a parlé de Chrono, c'était lui qui voulait, donc on s'entend Corridors of Time. Et le pire, c'est que je regardais l'épisode, j'écoutais en fait, tu peux le regarder, mais ça s'écoute mieux. L'épisode, je pense 4 ou 3, ce que je disais que ma tune préférée de Chrono, c'était la tune thème de Scala. Finalement, non, c'est Corridors of Time. Ouais, quand je parlais des espèces de harpe, là, c'était de ça que je parlais. Dans le fond, j'ai comme soit inversé les deux. Un big fail de ma part, probablement, mais j'ai switché les deux. Voilà. Oh, je l'ai switch. Fait que bref, Non, Corridor of Time. Quand t'arrives pour la première fois sur l'île volante. Ouais, et oui, quel ça, moment. Quel moment. C'est ça, c'est là que je vois que ce jeu-là, non seulement il y avait une diversité incroyable dans tout, mais c'est un univers un peu steampunk-esque, un peu, si tu me permets. Tu sais, là, des affaires qui volent. C'est vraiment débile. Tu sais, mélanger tout ça dans un RPG, puis bien le faire. Le faire, c'est une chose. Bien le faire, c'était fou barrette. T'avais des espèces de transporteurs qui te menaient plus haut dans la ville. Ouais, dans l'espèce de cité. Ensuite, t'avais l'espèce d'usine, ou je sais pas, whatever. Ça avait l'air d'une espèce de facilité volante. Dur à décrire. Ou est-ce que t'avais une espèce de gars qui s'appelait Dalton. Mais ça, ouais, c'était... Ça, on va en revenir dans la prochaine. C'est ça. Chanson. Et d'ailleurs, on va y aller dans la prochaine chanson. Ouais. À moins que tu aies autre chose à dire sur Corridors of Time. Non, pas c'est... vraiment. Dans la prochaine, justement, on va en rajouter. Ouais. C'est une très bonne. Fait que la prochaine, c'est Zeal Palace. Voilà, Zeal Palace. Ça, écoute, c'est... C'est bon. Je pense que la première fois que tu l'entends, c'est quand justement tu rentres une certaine pièce, tu vois un complot avec justement la reine Zeal Dalton. Oui, c'est vrai. Et t'as Magus très jeune. Magus, ce qu'elle a. Magus très jeune, je pense, pas déçu. Moi, je dis que oui. Pourquoi? Parce que... Il est déguisé. Ben, en fait, non, moi, je parle... Oui, Magus est déguisé dans ce jeu-là, mais tu le vois lui-même plus petit dans le jeu. C'est que c'est pas nécessairement dans le... Moi, je pourrais dire ça. C'est pas dans les scènes importantes, c'est qu'à un moment donné, tu te promènes dans les facilités, tu sais, tu parles au monde, puis tout ça, tu te rends compte qu'il y a un petit bonhomme qui a un chat qui le suit. Puis, bref, il est silencieux, il parle pas beaucoup. Puis ce qui est drôle, c'est que quand tu retournes dans une époque ou une autre, le chat, il suit Magus. Tu sais, à un moment donné, tu viens avec Magus plus vieux, puis tu t'en vas à une certaine place, puis il y a ce petit chat-là. Puis le chat là il te suit. Ah, c'est ton chat à toi. Eh, ben oui, ça. Ben oui. C'est pas dans la 600, ça. Il me semble qu'il y a. Ben, c'est dans la même époque qu'on est là. Ou dans une autre place. Ouais, mais bref, je sais qu'à un moment donné, justement, le petit bonhomme qui est la sœur de ce qu'elle a, c'est ça. C'est moi c'est là que j'avais allumé avec le chat. Je suis dit, ben oui, toi. Ah, c'est lui. C'est Magus étant plus jeune. Dans le fond, t'as Magus étant plus jeune, puis t'as lui aujourd'hui. Genre, parce que quand tu le vois justement avec Zeal et compagnie, il est déguisé, il y a une capuche. Ouais, il y a une capuche, tu sais pas c'est qui. Là. Ouais. Ah, t'as capoté pareil. Hein? Ben, moi, c'est ma théorie. Ça a jamais été dit officiellement dans le jeu. C'est lui. Mais on y va par déduction. Ben, des Easter eggs, justement. Hein. Voilà. Mais dans le Zeal, je sais que dans cette place-là, parce qu'il y a comme une espèce de gros palais, là, puis je sais que t'avais des livres, là, t'avais un livre de feu, un livre de vent, un livre de terre, d'eau. De terre, de clair, même. Puis, c'est ça, puis quand t'es souffré dans le bon ordre, t'avais une pièce qui ouvrait, puis t'avais un nu à battre, le nu, c'est une espèce de gros bleuet, là, qui est là, stupide, qui est full fort. C'est quoi qui donnait déjà cette nu-là, je me souviens plus? Je pense que celui sur le bataille, il donnait une stone, je sais pas c'est quoi, mais pas des redstone. C'est quelque chose, là, tu sais, là, les. Des fois, dans le jeu, tu vois des espèces de carrés là, noirs là, que quand tu cliques dessus. Oui, ça fait tit. Ça dit qu'il y a de quoi de mystérieux, mais ça a rapport avec ça. Ouais, ben en fait, je m'en ai, faut que t'ailles. Non. Non, c'est pas ça, hein. Non, c'est vrai. Ça, à un moment donné, tu viens à avoir cette espèce de. Ouais, c'est une fois, ça a rapport avec le pendentif. Le pendentif se transforme et là, tu peux aller ouvrir ces trucs-là. Et chaque truc mystérieux te donne un item. Je me mêle. Parce que je sais qu'il y a des fois, comme le nu, il donne des stones, mais ces stones-là, ils te permettent d'avoir une attaque spéciale. Ouais, je pense que c'est ça. Ok, ouais, c'est ça. Ok, ça se peut. Non, c'est bizarre, je l'ai jamais. Ouais, peut-être jamais fait. Parce que je pense que ça, t'as la black stone, la red stone, puis je pense que t'en as d'autres dans le jeu, puis ça te permet d'avoir une attaque spéciale, je pense, pour chaque personne. Ah, ou une espèce. Je pense que c'est une combinaison spéciale. Je pense que c'est une combinaison. Avec un certain personnage. Même, je pense que c'est une combinaison avec Magus, parce que Magus, bizarrement, est le seul ou presque à ne pas avoir des combinaisons doubles. Aucune combinaison double, mais il y a une combinaison triple. Je pense que c'est tout des attaques. Ça s'appelle une affaire de Dark Maze ou Dark M, quelque chose. Ah, il y a le Dark Matter, mais ça c'est Dark Matter. Ben, c'est... Non, ça c'est une attaque normale, mais en tout cas, ça a rapport avec ça. Puis ça fait t'as deux autres personnes avec qui le fait. Mais je pense que c'est ça, mais... Je pense que c'est aussi simple que le Ultimate Dark Knight 2. En tout cas, mais bref, il y a plusieurs pirates de même, puis ça donne tout le temps une attaque spéciale, je pense à 3, à 2, bref, c'est, ouais. Ça, c'est assez fou. C'est débile. Bon, mais... après ça, Scala Steam, yes. C'est une de mes préférées également, Scala. Ouais. Très, très, très bonne. On s'entend que dans l'histoire, en plus, on a... un enjeu qui est quand même très fort. Si je me trompe pas, elle essaie de nous aider. Mis en fait l'espèce de folie de la reine. Ouais. L'espèce de reine folle qui, elle... Bon, c'est comme... La voix là-dedans, c'est comme une espèce de religion pour eux autres. C'est comme un dieu. Ils veulent aller... Ils veulent le réanimer pour... parce que, bon, la terre est pas pure. C'est une affaire de fou. Ouais. De capoté. Que là, tu fais comme... Oui, on va. Puis, ce qu'elle a, est là-dedans. Puis tout ça, puis elle essaie de nous aider. Quand t'as rencontre la première fois, c'est justement, je pense que c'est dans sa chambre, là, tu vois le jeune Magus. Le jeune Magus, puis ouais. Tu vois le chat, puis là, maintenant, elle arrive d'en bas, puis là, ça commence. Ouais, c'est ça. Puis je sais que c'est elle, parce qu'à un moment donné, il faut que tu t'en ailles de l'île. Je sais pas trop, tu sais, parce qu'avant d'être sur l'île volante, t'es comme sur une espèce de... T'es comme dans la neige un peu. Ouais, t'es dans la neige en bas. Puis ouais, l'île, en tant que telle, est reliée par une chaîne. Il faut que tu montes de cette chaîne-là aller en haut. Ben là, on parle de plus. Non, c'est pas, plus c'est, non c'est pas ça. C'est pas ce style-là. Ça, c'est un autre affaire, ça. La chaîne que tu mais parles... Mais c'est dans la même place, par exemple. La place que tu parles, là, c'est la chaîne qui relie une espèce de d'île volante. Là, mais c'est comme une espèce de grosse montagne. Là, puis là, tu vois, exact. C'est quand tu vas libérer Melchior. Oui, ok, oui, c'est ça, c'est exact. Ça, c'est un autre place, mais à mener Shala, elle, à Fiscala, en tout cas. C'est elle qui scie le portal, une espèce de triangle, de mot. Oui, pour pas que personne revienne. Là, t'en retournes dans la préhistoire après ça. Ouais, c'est ça, exact. Comme l'idée. Voilà. Bon, fait que là, on n'oubliera pas de récapituler. Donc, Battle with Magus. Corridor of Time. Zeal Palace. Et Scala Steam. J'étais vraiment laissé le dernier pour toi. Merci. Bonne écoute! Yes. Thank you. Sixième bloc. Donc là, écoute, on a eu une chaude... pas de dispute, mais... ostination, moi et Dom, comme de quoi que... ça a rapport avec la première chanson, ce qu'on va dire. Ouais. Donc la première, qui est quoi? Undersea Palace. Et oui, c'est en dessous de l'eau. Et je n'ai jamais... J'avais pas la mémoire de ça. C'était comme mélangé avec ça pour le Black Omen. Hein? Oui. Fait que voilà, c'est très différent. Et le Black Omen est dans les airs et t'as carrément un palais qui est en dessous de l'eau. C'est très bon, très très très bon comme chanson. Là, on voit vraiment que, tu sais, quand on a fait le tri finalement des tunes, on s'est rendu compte vers la fin, beaucoup moins qu'était, on dirait, ambiantique. Ouais. C'était pas mal plus des thèmes forts qui représentaient vraiment l'action du jeu. Alors, resitue-nous donc un peu donc, dans le temps, là. Si je me rappelle bien, c'est après... Ben là, je me rappelle bien. On a regardé tantôt parce qu'on était pas trop sûr de la chronologie. Mais c'est après que tu battes Dalton la première fois, je pense, dans les îles Palace. Voilà. Là, il sauve, puis là, tu descends dans une espèce de portail. Là. Tu descends, là, tu vois l'espèce de bon souterrain. Voilà. Ouais. C'est-tu là qu'on a époque ou c'est après? On voit époque qui se trouve être notre vaisseau qu'on va utiliser pour voyager dans le temps. Mais Dalton, lui, veut s'en servir comme trône ou quelque chose dans le genre. Je pense qu'on l'a eu avant ça, mais c'est lui qui nous l'a piqué, il me semble. Ou c'est à lui qu'on l'a piqué. Ou ça, ouais, ça se peut. Je ne sais plus. Mais bref, on la voit là, lui, c'est sa machine à lui. Puis, parce que... On la voit un peu. Là. Oh, je pense que je me rappelle l'époque, la première fois que tu l'as, c'est dans le futur. Tu t'en vas, y a une espèce de gars, je ne me souviens plus c'est qui. Puis, parce que la première fois que tu as l'époque, il n'y a pas d'elle. Ah ouais, oui, c'est ça, exact. C'est vraiment juste ça. Là. Ouais, c'est ça. Puis c'est Dalton, je pense, plus tard, qui te... Je me souviens pas comment, mais il t'a le vol. Puis là, c'est lui qui met les ailes. Ouais, exact. Là, puis à un moment donné, tu te bats contre Dalton sur l'époque, je pense. Et voilà. Donc, non, c'est ça, c'est vraiment très épique. Dans le fond, il a fait les ailes à ta place. Et voilà. Et bon, ça vient finalement... finir à Wings That Cross Time, ouais. Finalement qui se trouve à être la chanson thème de l'époque quand on trouve le vaisseau. Puis on a super bien fait la première fois, je trouve ça vraiment nice. Comme ok, waouh, j'ai plus besoin d'aller de portal en portal, je peux aller dans l'époque. Puis ça, c'est next level, c'est même au-dessus de la téléportation qu'on connaît maintenant dans les jeux vidéo plus modernes. C'est que là, on change d'époque comme ça nous tente. Puis dépendant de l'endroit que t'es, dans l'époque que t'es, si tu changes d'époque là, ben, tu vas apparaître à telle place. Ouais, exact. C'est ça qui est le fun. T'as plein de trucs à faire finalement après ça. C'est que, en plus, le jeu devient maintenant un peu plus ouvert. Ouais, c'est ça. Tu peux te promener d'une époque à l'autre et changer des choses que, mettons, t'avais dans le passé, que tu voulais dans le présent. Parce que ça te prend absolument ça pour faire des quêtes secondaires. Ouais, exact. C'est là que tu peux pas accéder sans ça. C'est vrai. C'est vraiment très hot. Ensuite, ouais, Black Omen, la prochaine. Black Omen, finalement, crucifié. Ouais. Après ces ostinations-là. Je dirais, moi, je qualifierais Black Omen comme étant le vaisseau le plus difficile du jeu. Quand t'as fini et tu veux vraiment faire des niveaux, tu vas là-dedans parce que c'est très difficile. C'est là, vraiment, le jeu commence à être pas mal intéressant. Tu bats, je me rappelle, il y a des mutants, des gigamutants, je pense qu'il y a pas. Ouais. T'as trois mutants à battre, puis il y en a... T'sais, ils ont tous trois noms différents. Avant, je me rappelle pas. Hein, pis t'en bats un au début, un dans le milieu, puis un vers la fin. Ils sont plus en plus tough. Mm. Ah, pis sont vraiment non, je me rappelle de ça. Ils sont vraiment chiens. Je sais qu'il y a des espèces de démons qui volent là, aussi. Non, c'est vraiment dur le Black Omen. Non, c'est des, ça. Il y a des ennemis vraiment puissants là-dedans. Exact. Puis je sais que le Black Omen est là dans toutes les époques aussi, je pense. Mm. Puis c'est ça, le Black Omen se retrouve dans chaque époque. Ouais, fait que, tu sais, pour un maximum d'XP. Et voilà. Puis il y a aussi des moments forts qui trament un peu autour de ce temps de jeu-là. Attention, spoiler alert, Chrono meurt. Et oui, en essayant de sauver ses amis, en essayant de sauver Chrono, tout le monde, il se sac en avant de Lavos dans une certaine séquence. Puis on s'entend que c'est assez c'est épique. Là. La reine est comme un boss de « Regardez Lavos, il est tellement fin. » Je suis une folle. Bon, sauf qu'elle réalise pas qu'elle aussi, en collant Lavos, ben, elle va mourir aussi. Donc là, ben, Chrono, lui, se sac en avant de la gueule de Lavos et meurt. Ça, c'est, je dirais... je décrirais ce moment-là dans le jeu comme étant un des moments que tu fais comme, voyons là. Tu sais, un protagoniste silencieux comme Chrono, tu sais, on s'entend en plus, il dit jamais un cierge de mots, ben on met les parenthèses. Il fait oui puis non. Ouais. Puis bref, un moment donné, tu sais, t'as comme un espèce de simili-dialogue, mais il parle pas Chrono. Il n'y a pas de dialogue écrit. Mais le fait qu'il meure, je trouve que c'était allé jouer dans des plates-bandes émotives que, tu sais, je veux dire, dans le temps, dans les jeux rétro, il y avait juste les RPG qui pouvaient aller te chercher à ce niveau-là. Je me souviens encore, d'ailleurs, dans Final Fantasy VI, au Super Nintendo, quand Shadow, on l'oublie sur la oui, mais il faut l'île. Le savoir, ça. Ben, faut savoir, c'est à la dernière minute, dernière seconde, même pas minute, seconde. Je pense que c'est quand. Que tu le sauves. Quand t'es sur la dernière île où ce que Kefka. bon, il vire fou, pis tout ça, pis bon, là, ça se détruit, pis t'es comme plein de bombes, ouais. Pis c'est débile. Bon, mais ben, c'est vraiment à la dernière seconde. Ouais, ben, c'est quand. Parle de Shadow. C'est quand t'es rendu à la fin, là. Ouais. Et à un moment donné, il te demande, ah, oh, tu veux-tu embarquer. Shadow. Non, c'est pas ça, je pense qu'il dit, tu veux tu t'en aller, ben t'attends. Ouais, c'est ça, là, exact. Si tu t'en vas, ben t'as plus de Shadow. T'as plus de Shadow. Mais là, au début, je me demandais pourquoi, mais pourquoi attendre? Tu sais, je me demandais pourquoi. Fait que là, ben, j'attendais, mais il faut que date, je suis parti. Mais j'ai su par après que tu pouvais sauver Shadow. Mais faut vraiment que t'attendes, je pense, pour t'en aller. Ah, c'est la dernière seconde. T'attends, ouais. T'attends la dernière seconde. Puis là, tu sais, en plus, moi, je capotais, j'étais là, voyons donc, c'est clair, je vais sauter. Ouais. Puis là, écoute, à dernière seconde, t'as Shadow qui arrive. Qui dit merci. Mais c'est ça, on dirait que les protagonistes silencieux sont toujours. T'sais, bon, il y a un mystère qui plane autour d'eux autres. Ils sont toujours plus importants. Ou du moins, ils ont une importance capitale dans le jeu. Ouais. Puis je pense que c'est ça qui est le fun un peu dans des personnages mystérieux. Là. Ceux qu'on n'entend pas parler, ils ont souvent tendance à planer un... Bon, OK, est-tu dangereux pour nous autres? Qu'est-ce qu'on fait avec? Puis c'est le fun d'avoir des personnages ouais. comme ça. Puis Chrono, ben, c'était notre personnage principal, sauf qu'on ne savait pas trop pourquoi... On savait d'où ce qui venait, on commence le jeu avec lui. Mais on voit vraiment, écoute, que ses amis tiennent vraiment à lui. T'as vraiment une belle démonstration d'amitié forte qui se construit. Mais Chrono, tu sais pas, ils sont passés pas autant profonds que les autres. Non. Dans sa jeunesse, puis tout ça, t'as pas su. Même les autres, ben oui, t'as quand même Lucas, Lucas, oui. Frog, Neu, Magnus. Mais Lucas, à un moment donné, ce qui est drôle, c'est que tu viens qu'à faire un flashback. T'as une mission secondaire qui, écoute, oh, ouais, grâce à sa mère. Oui, je me souviens pas en tout comment le faire, ça, je me souviens pas du tout. Je sais que oui, t'as une espèce de petit portail bleu qui est caché à quelque part. Puis, ouais, c'est quand t'es dans quand tu, avec Lucas. Tu t'endors dans le bois maintenant. Ouais. Ouais, je m'en rappelle de ça. Exact. Là, tu t'en vas dans un flashback, puis c'est, tu t'en vas au moment où son père, il avait une machine chez eux, une machine qui est elle, je pense, une machine infernale, je sais pas trop. La manée, tu te ramasses en haut. C'est une espèce de petit balcon dans la maison, puis t'as son père qui est en. Je pense que sa mère est pognée après quelque chose, puis là, t'as vu tranquillement là, qu'elle s'en va s'écraser ouais. dans la machine. Là. Fait que toi, ouais, pis t'as un code à faire. T'as un certain code. Mais même si tu le trouves, là, je pense que tu peux pas la sauver peu importe ce que tu fais. Oui, tu peux. Bien sûr. Ouais. Tu peux. Je l'ai déjà fait. Sauf que moi, je l'ai fait avec un émulateur, mon gars. Puis j'ai fait Shift F1. Sauvegarde automatique avant de le faire, j'ai dû faire F1 un nombre incalculable de fois. Ouais, oui. Il y a une certaine séquence que je t'allais voir sur le net qui se peut. Tu peux la sauver, ta mère. Puis le pire, c'est que quand tu reviens dans le présent, ta mère, elle est dans une chambre et elle est assise. Elle est tout le temps assise dans le jeu parce que, écoute, elle peut pas marcher. Puis quand tu arrives pour la voir, ben, elle se lève, puis elle marche. Ça cache. Mais. Non, mais c'est ça. Aucun rapport. Mais non, c'est ça, c'est. Mais oui, ça fonctionne. Ça a déjà réussi. Mais écoute, elle était pas là. Longtemps. Elle était pas là avant que tu fasses le code. Elle était toujours. Parce qu'il me semble qu'au début, t'es tout seul. Elle est tout seul avec son truc. Ben, je sais que c'est quand que sa mère, elle arrive pour aller dans la machine pour se faire arracher les jambes. Toi, t'arrives pour faire le code. Tu peux faire le code pour que ça arrête. Puis après ça, Lucas, elle s'en va dans le bois puis elle est toute émotive. Ben, si tu réussis pas, je pense que t'as. Là, si tu réussis pas, ben tout bad. C'est terminé. T'as plus d'autres chances de le faire, par exemple. Non, c'est ça. Non, c'est spécial, ça. C'est vraiment particulier. Ouais. Si je me trompe pas, t'es avec Robo, puis elle discute avec Robo de sa vie. Tout ça, c'est un moment qui est quand même. T'es dans le bois, puis ils font un espèce de feu. Pis ça, c'est d'autres affaires que j'ai découvert que plus tard, même après avoir passé le jeu, tu sais. Comme t'as tellement des trésors à aller chercher, puis à voir dans ce jeu-là. Mm. C'est fantastique. Bon, ben, c'est fini bloc 6, hein? Petite parenthèse. De 3-4 grosses parenthèses. Ouais. Puis sur ça, bonne... T'as peu, on les a pas... C'est vrai, alors on a écouté Undersea Palace. Après ça, Wings That Cross Time. Puis Black Omen. Bonne écoute. We'll be right back. Bloc numéro 7. Bloc numéro 7, effectivement. Fait qu'on y va avec World Revolution. Écoute, yes. Ville de même, mon Dieu. Excuse, c'était pas le thème de Lavos, ça va? Ah oui, c'est vrai, oui, oui, excuse-moi. oui, le thème de Lavos. Bon, un paquet de d'orgues, ma foi, absolument fantastique. Ouais, c'est assez diabolique. Comme C'est assez fou. Ben, c'est quand même le thème du boss de la fin, hein, fait que ouais. Fallait qu'ils mettent le paquet. Chose qu'ils ont très bien fait. L'une des premières formes du boss de la fin, on peut dire. Oui, oui, c'est vrai. Il y a quand même plusieurs formes. Ouais. Puis tu peux le battre de plusieurs manières, tu sais. Ah oui. T'as la fin, t'as ce qu'on a décrit avec le Zill Palace, c'est le Black Omen et tout et tout. Tu peux aussi battre la boss au début dans Millennium Fair, juste avec Mal. Ouais. Là, t'as une fin là. Je pense que t'en as 12 des fins. Ouais. Un vestige de paquet. T'en as vraiment beaucoup. T'as vraiment. Je pense que même dans le kit en Brink of Time, quand tu vas voir le vieux avec la petite ballon, tu ouais, on avait parlé tantôt. Si tu peux aller le battre là, ouais. Tu sais, fait. Oui, c'est vrai, quand tu y penses, t'as plusieurs façons de battre la boss. Ouais. On dirait que j'ai dit Baclavas, mais non, j'ai dit Baclavas. Baclavas, c'est un mais. Ouais. C'est là ce qu'on voit notre cher Lavo, c'est qu'il ressemble à une espèce de boule de piquant avec un gros œil. Ouais. Ou une grosse bouche. Fait que je sais pas lequel qu'on peut prendre, mais ça ressemble pas mal à ça. Ouais. Mais non, très. C'est probablement le thème le plus puissant du jeu, ouais. On l'a vraiment capté. Digne du combat. Ouais, c'est ça. C'est digne de tout. Et la track est quand même assez longue. Non, c'est bon. Mmh. Très bon. C'est la boss qui m'a fait au jour à Chrono aussi. Ouais, exact. Mon Dieu. C'est lui qui le tue. C'est cool la quête de retrouver Chrono. Je trouve ça très simple. Il aurait pu rendre ça un peu. Simple. Ben, on veut pas que ce soit simple. Non, ben le fait. Non, c'est vrai, c'est loin d'être simple. Mais je veux dire, le fait est que tu vas tout simplement acheter. Faut que tu y penses, en ouais, fait. Parce que faut que tu ailles dans le Millennium Fair. Dans le Millennium Fair. Tu fasses une espèce de clone de Chrono. Ouais, il faut que tu fasses un clone. Mais c'est parce qu'il faut que tu ailles Chrono pour faire un clone. Parce que sinon. Tu peux pas oublier ça, tu peux rien faire. Mais c'est ça que je capte. Y a-tu une autre façon d'avoir ça? Parce que quelqu'un qui fait le jeu, qui lui, tu sais, il fait pas le clone. Tu sais, puis c'est. Dans le fond, c'est un espèce de jeu dans un cirque, parce que tu dois payer le nombre de silver points le plus cher pour le faire. Quelqu'un qui passe pas, là, comment il fait? C'est ça que je me demande. T'sais, tu peux-tu retrouver Chrono quand même malgré ça? Est-ce que ça fait partie des fins? Ouais, c'est ça, je me rappelle pas, parce que il me semble que Chrono, t'as pas le choix de l'avoir. C'est encore plus mal, puis t'as pas le clone, tu fais quoi, tu sais? Ouais. C'est ça. Il faudrait s'informer là-dessus, vraiment, hein? Non, c'est. Peut-être l'essayer à un moment donné, tu sais, mais je veux dire. Peut-être dans un let's play un moment donné, tu sais, qu'on pourrait faire. Ou ouais. Ça de même. Ça de même, ouais, on jase. On jase. Fait que. Bon, en fait, Rontando, comme j'ai voulu nommer ce projet-là, en l'honneur de mon père, qui, peu importe ce que je faisais quand je jouais au PlayStation pas au Xbox, mais je n'ai jamais eu. Bon. Il disait que je jouais au Nintendo. Ouais, nos parents, ils appellent ça Nintendo. Tout ce qui est jeux vidéo, c'est les Nintendo. Les Nintendo. Ouais. Fait que bref, coudonc, on ne saura jamais. Mais en tout cas, si vous le savez, probablement que vous allez nous écrire, écrivez-nous et gardez-nous informés. Là. Il y a sûrement qu'ils disent « Hey, je sais, moi! » Ouais, c'est ça. Ils doivent crier après leurs écouteurs comme le ferait un Chinois. Donc, voilà. Ensuite, il y a World Revolution qui, ma foi, écoute... Ça, c'est après que tu battes la bourse. Ben, oui. Dans le fond, c'est... Ouais, ça, tu rentres en dedans. Ouais. Puis là, t'as une espèce de couloir un peu creepy à parcourir, puis là, tu te ramasses dans le core, on peut dire. Ouais, le core de la boss, finalement. En fait, c'est la boss creepy. Core, je pense. Là. Ouais, vraiment. Ouais, le vrai nom, le vrai nom ça, de la toune, ouais. ça se peut très bien. Okay. Mais bref, super, méga, giga. Et puis quand on vous disait que plus le jeu avançait, plus les tounes étaient difficiles à choisir, dans le sens que, tu sais, toune de fond, ou ben bref, c'était « Ah non, c'est tout est bon rendu là, il n'y a rien qui est poche, puis qui est à délaisser. C'est super bon. Mm. Après ça? Ben, le combat final, The Last Battle. The Last Battle, effectivement. Là, on est rendu à la fin où que, là, nos protagonistes sont prêts à... En fait, le protagoniste Chrono a été ressuscité, si vous avez le clone. Et tous les personnages sont ready to péter la gueule à Lavos. Oh, ben, c'est ça. Ben, en fait, le corps de Lavos. En fait, c'est comme... Ben, avant ça, quand on parlait dans World Revolution, le boss d'avant, c'était une espèce de... de grosse, ça ressemble à une espèce de bobette mécanique avec des bras et des gros fils, là. Il est assez fréquent. Mais il y en a un aussi qui est vraiment... Non, c'est ça. Il y en a un qui est vraiment gigantesque, mais c'est vrai, il ressemble à un robot. Hein, c'est lui. Ça. Mais lui, d'après qu'on parle, le Last Battle, c'est comme un... Parce qu'en tant que tel, le vrai boss de fin, parce que tu veux pas, t'as un humanoïde dans le milieu, puis t'as comme deux espèces de petits cœurs. Mm-hmm. Mais le ce qu'il faut que tu tues, c'est pas l'humanoïde dans le milieu, c'est le cœur. Je pense qu'il y a exactement 40 000 de vie. Je m'en rappelle encore. Puis je pense que pour... Il y a une défense à percer. C'est un petit cœur-là. Puis je pense qu'il faut que tu butes le... En tout cas, il y a un des deux cœurs. Il y a un des deux cœurs, il faut que tu butes. Puis quand tu butes tel cœur, ben, l'autre va devenir plus faible, ça te dit que sa défense est réduite, puis là tu peux l'attaquer. Parce que je pense que il y a un cœur qui donne la défense à l'autre, puis c'est l'humanoïde, faut que tu t'en débarrasses rapidement, parce que c'est, il fait des attaques vraiment puissantes, tout dépendant. Je sais pas si tu t'en rappelles, quand tu le bats, dans le background, là, tu voyages au travers des époques. Oui. Puis selon l'époque, il te fait des attaques. Il te fait changer des différents ennemis, ouais. Si je ne m'abuse. Ouais, puis il te fait des attaques des fois vraiment puissantes. Ouais. C'était fou ça. Ouais. C'était débile. Je l'ai pas assez passé de fou ce jeu. Il fallait que je cherche toutes les autres fins possibles. Oh, épique. Tout simplement. Ensuite, l'épilogue. Too Good Friends. Ouais. Ça ressemble un peu, si je me rappelle bien, c'est pas la toune de Marl pis Chrono. Oui, c'est Far Promises, Chrono, ouais. et Marl. Ça, c'est vraiment, je dirais... tu sais, verse pas une larme, mais pas loin. Ouais. Tu sais, vraiment, non, vraiment une toune qui est remplie d'émotions, de moments forts. Ah, tu sais, c'est une vraie bonne balade de fin, là, ou presque, là. Ah, que c'est bon. C'est vraiment bon. Sérieusement, ouais. Là. C'était que... Ouais, que c'est épique. Bon, ben... Pense bien que... Tu peux écouter ça? Oh, ouais. Good. Thank you. Thank you. Alors, non, ce n'est pas encore la fin. Non, ce n'est pas encore la fin. Pas encore. On a un bloc spécial pour vous autres. Yes! J'aimerais ça faire un shout-out à notre ami Alex Robum Sowin. Oui. Qui il nous a dit, et d'ailleurs, je les possède, les chants. Il y a, dans le chrono, Ron Trigger, il y a trois soundtracks qui n'ont pas été. Qui ont pas été mis dans le jeu. Puis c'est ça, il me fait penser à ça. J'ai vu son message Facebook, puis ben oui, on va faire un blog spécial là-dessus. Puis on va commencer par la première, on en a trois. Voilà. Le battle numéro 2, le combat numéro 2. Oui, numéro 2. C'est quand même, c'est étrange comment que cette chanson-là a passé un peu en dessous de la main, mais... Ouais, elle est bonne en temps normal. Elle est vraiment solide, c'est cool. Je comprends pas pourquoi qu'elle... En tout cas, mais elle me disait quelque chose, je l'avais déjà... entendu, je sais pas si vraiment elle a jamais été dans le jeu, mais il me semble qu'elle me disait quoi. Parce que c'est plate, il l'avait pas mieux. Parce que moi, j'ai pensé, il aurait pu faire comme dans Breath of Fire 2, je pense, à un certain moment du jeu, il aurait pu avoir ce tune-là, dans ben les combats principaux, tu sais. Ben oui. Ça aurait été cool. Mais en tout cas, je suis content qu'il l'ait sorti, je suis content qu'on puisse maintenant l'écouter avec Internet et tout, donc c'est assez solide. La deuxième. Singing Mountain. Ça, honnêtement, ça là, j'avais jamais entendu ça. J'étais pas au courant. C'est dans la période du jeu où t'es dans. Il me semble que c'est préhistorique, post. Mais. T'es sûr, dedans, au Super NES, ils l'ont pas mis. Peut-être qu'ils ont mis dans des versions DS. Ben, c'est ça, ma version DS, il me semble qu'ils l'avaient. T'es Super sûr, NES, ouais? Je ne pense pas. Ok. Mais Super DS, ça se pourrait. Ça se pourrait très bien. Ah ouais? Ouais. Parce que moi, j'ai lu, que le gars, il avait juste fait une spécification sur YouTube quand on écoutait la toune. Le gars, il dit que ça avait vraiment fitté dans le Dead Peak. Puis le Dead Peak, c'est là que tu retrouves Chrono. Mm-hmm, ouais, c'est vrai que quand tu l'écoutes, c'est comme un peu un moment émotif, là. Ça a réfuté. Ouais, mais c'est ça, voilà, ça m'aurait fait penser à ça. Et d'ailleurs, pour trouver Chrono, ça prend l'œuf, le Chrono, justement. Ouais. Le Chrono Trigger, ou je vous en ai fait de même. Ouais, je me souviens plus c'est quoi de la fille. En fait, Trigger, ça veut dire actionner, et Chrono, ouais. C'est un. Espèce de mot pour indiquer le temps. Fait que ça l'activerait un certain moment du temps où ce que là fallait échanger. On revenait au moment où ce que la voix se détruisait. Ouais, le chrono. On échange chrono contre la poupée. Ouais. Fait que le monde, il voit du feu, il meurt là, sauf que nous autres, ben, t'es capable de reprendre le bon vieux chrono. Ouais. Fait que c'était épique en crise. Très bien pensé. Puis la dernière, c'est pas vraiment une chanson, c'est plus un. C'est un fanfare, c'est The Unknown Fanfare qui est appelé, puis c'est vraiment fréquent. C'est vraiment, vraiment fucked up, ok? J'avais jamais entendu ça de ma vie. Puis ça, on l'a découvert dans une vidéo YouTube, dans le fond, quand on a monté l'émission. Ouais. Puis on écoutait ça, puis on a fait, voyons donc. Puis on écoutait plusieurs autres vidéos pour se prouver que, tiens, on n'était pas des malades mentales. Puis comme de fait, moi, j'étais un malade mental. Toi, je sais pas. Mais ouais. Effectivement, la toune existe. Ouais. Entre parenthèses. Fait que c'est fucking weird. C'est fréquent parce que t'as comme l'impression. Je peux pas dire que c'est. T'as comme l'impression qu'il y a quelque chose de gros puis de rapide qui te court après. Pis c'est, genre, hein. C'est vraiment fréquent, sérieusement. Hein. C'est peut-être une mission secondaire qu'on a jamais faite ou je sais pas. Peut-être que la version DS le contient. Je sais pas, mais c'est fréquent. En tout cas. Au secours, maman, j'ai peur. Ouais. Bon, ben, on vous envoie ça là. Voilà. Ah! Ah! C'est terminé! C'est terminé, ce spécial du jeu culte qui est ce RPG culte qui est Chrono Trigger. C'était vraiment le fun. C'était spécial comme quelque ça, chose. C'était quelque chose. Oui, ça motive à en faire. Hein. Ouais. Puis on se rend compte que c'est quelque chose à tout aller chercher l'information, les chansons. On a notre mémoire maintenant aussi pour. Bah, pas maintenant, on l'a toujours eu. Mais on a notre mémoire pour nous remémorer le jeu, puis c'est le fun. J'ai revécu des bons moments que j'ai vécu avec ce jeu-là. C'était vraiment très plaisant. J'aimerais ça remercier tout le monde aussi, tout le monde qui nous écoute. Ça, 6 aussi également pour le projet. Zik numérique. Vraiment cool, j'ai vraiment hâte que. Ça soit commencé. J'aimerais ça remercier un bon chum à Alexandre Moussaouine. Pour les... Les hints. Ouais, pour les petits... Les petits clins d'œil de toune. Merci Alex, on apprécie beaucoup. Ensuite, j'aimerais dire aussi... évidemment, vous pouvez nous retrouver sur Twitter. Moi, mon Twitter, c'est @vaildan0... Non, pas 06. VAILDAN. Sur Twitter. Moi, c'est @Dominique, tu te vois en bas, hein? Ça va pas bien. Là, c'est moi qui te dis le tien, puis là, c'est moi qui m'en souviens plus. Oh, well! Fait que, après ça, n'oubliez pas de rejoindre notre page Facebook. Également. On peut vous donner des bonbons gratuits quand vous likez la page. Des bonnes kisses. Des bonnes kisses. On aime ça, des bonnes kisses. Puis ensuite, oubliez pas, vos suggestions, on les a pas lues cette semaine. On en a eu plusieurs quand même, on en a eu une couple de personnes qui nous ont proposé des... J'ai fait un commentaire, il y avait entre autres Julien sur le blog de FunJoyJeu qui nous a reposté des tunes plus précises comme Apo T6, je pense, de John Lee. Surprenamment, je me rappelais plus, je l'avais sur mon ordi. Fait que je suis pas content, j'ai sa toune qui m'a proposé. Je pense que c'est la toune de fin ou de début de Skyward Sword. Ouais. Skyward Sword. Fait que, bref, en tout cas. On a eu des belles suggestions aussi. Oui, arrêtez pas. On se revoit quand on va se revoir pour un autre épisode de Geekorama. On a-tu oublié le nom? On l'a dit au début, le Gmail. Puis le, oui, on l'a dit. On l'a dit. C'est beau. Fait que le monde va pouvoir nous. on va le rappeler quand même. Geekorama@gmail.com. C'est rough, mais je vais l'avoir, Stéphie. Fait que voilà. T'avais-tu de mot de la fin? C'est vrai. On n'a pas oublié une chanson, mais là, vu qu'on fait spécial Chrono Trigger, on a tout changé les comme vous avez pu le voir, la tune du début. Toutes les tunes à background. Puis également la tune de la fin, qui est Too Far Away Times, qui est la chanson de fin. De Chrono Trigger. Et voilà. Donc ça se termine ainsi. Ouais, fait que. Je vous souhaite une bonne fin d'écoute. Yes, et on se revoit à la prochaine. On espère que vous avez apprécié. Oui. Bye bye. Salut tout le monde.